Bonjour, pour ceux qui sont avec moi ici en Amérique du Nord, et bonsoir pour tous ceux qui sont au niveau de l'Afrique et de la France. Soyez tous salués et pardonnez-moi que je n'ai pas pu avertir personne, mais pour ceux qui d'un instant à un autre vont rentrer, c'est une bonne chose. Pardonnez-moi du retard parce qu'il était prévu que je devais commencer il y a à peu près combien de minutes là? Voilà, il est 25, 16h25, ça fait 25 minutes de retard, pardonnez-moi. Il était prévu qu'on commence un peu plus tôt, mais il y a eu un petit empêchement. Au niveau de Facebook, j'ai dû balancer l'annonce. Et pardonnez-moi donc le retard. Le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Si vous êtes sur le Baobab, je vous ai expliqué, je vous ai dit en fait qui est derrière cette question, cette thématique. Généralement, je n'aime pas trop parler. Merci, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Je n'aime pas parler de ce genre de sujet très de controversé, pour ne pas dire dérangeant, parce que au sein de mes groupes, que ce soit ceux qui me suivent, ceux qui sont mes admirateurs sur Tata Nzambel Autopuissant Kana ici, ils sont de toute obédience religieuse. Nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans, nous avons des bouddhistes, nous avons des religions de toutes formes, de toutes sortes, de tout continent, de toute orientation. Nous avons les initiés qui, certains sont des initiés modérés, c'est-à-dire qui ont encore un pied avec leur religion. Et il y a des initiés, véritablement initiés, détachés des systèmes égrégoriques. Et au sein du Baobab, lequel groupe j'ai créé également, c'est la même chose. Nous avons des personnes avec des différentes opinions religieuses. Et que par conséquent, aborder ce genre de sujet freinerait, comment dirais-je, entacherait certainement les relations humaines entre moi et ces mecs-là. Or, mon objectif dans mes enseignements, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas de faire la chasse à tous mes frères africains qui sont déjà embrigadés pour certains et d'autres qui sont encore branchés ou pour la dernière catégorie, ceux qui sont en train de se détacher sans forcément mes messages d'éveil de la conscience. C'est pas ça mon but. Donc, tout le monde sait que toutes ces religions fonctionnent sur les phénomènes égrégoriques. Le sujet d'aujourd'hui, donc, est un sujet qui peut créer beaucoup de remous, pour ne pas dire des réactions. Mais je rassure mes frères religieux, parce qu'au sein de la communauté religieuse, la communauté des croyants, la religion chrétienne elle-même, elle est d'origine juive. Donc c'est pour cela qu'on dit les religions judéo-chrétiennes. Au sein même du christianisme, il y a des scissions. Ce n'est pas moi qui viendrai ici vous l'apprendre. Il y a des divisions au sein du même égrégore de Jésus-Christ. C'est-à-dire que sous le Jésus-Christ chrétien, nous retrouvons des millions et des millions de chambres. Ne me demandez pas pourquoi et comment. Je sais, mais ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui se passe lorsque on va se greffer à des égrégores d'Abalan. Tous ces mecs qui se détachent parce qu'ils ont mis les une question. Alors, la question que, pas moi, que les maîtres m'ont demandé de venir aborder avec vous aujourd'hui, ce soir, est la suivante. Comment la publicité du Jésus des chrétiens attire les démons? Vous allez me demander, mais quoi? Comment on fait la publicité de Jésus, ça va attirer les démons? Je vous dis oui. Et pourquoi? Bien. Nous allons aborder ce sujet ensemble. Pour ceux qui veulent poser des questions, ils sont les bienvenus, mais à la fin, s'il vous plaît, de la thématique. Apprécions ces bons moments un peu de la musique douce. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Merci bien. D'ailleurs, nous allons démarrer. Comprenez. Comment les forces, comment les publicités religieuses, comment les publicités religieuses peuvent-elles attirer les démons ou les forces démoniaques, langage religieux, ou encore comment les publicités sur certains égrégores religieux tels que Jésus et bien d'autres religions, hein. La religion principale, c'est Jésus. Comment alors les publicités qu'on fait? D'abord, quelle forme de publicité on en parle? Je vais vous expliquer. Donc, comment les publicités au sujet de Jésus, là, attirent les démons? Parce que c'est ça, la question fondamentale à laquelle nous sommes tous invités ce soir. Et éventuellement, ceux qui vont suivre cette vidéo à tête reposée. Je tiens d'abord à vous informer qu'une publicité... Il est vrai que j'ai fait G3, pour ceux qui ne le savent pas, hein, au lycée technique, la série G3, je ne sais pas si elle existe encore, pardonnez-moi, mais dans les années 75 jusqu'aux années 90, c'est la série commerciale. Hein, on vous apprend pas mal de thématiques sur tout ce qui est aspect commercial. Et donc, dans le côté commercial, non seulement il y a les ventes, non seulement il y a l'export-import, mais il y a aussi un aspect qu'on appelle l'aspect publicité. Donc, on fait une forte publicité de tape à l'œil. Ce que j'entends par publicité tape à l'œil veut dire que ce sont des publicités qui sont mises en place avec autant de talents. Ce n'est pas n'importe qui qu'on choisit. C'est des gars qui ont fait l'école pour ça, qui ont un bac G3 et qui ont également des BTS ou des masters en commerce international, qui maîtrise option publicité. Il y a même des écoles ici au niveau des États-Unis où effectivement vous pouvez faire des études commerciales spécialisées sur la publicité. La publicité, c'est-à-dire vous faites la commercialisation de ce produit à travers les pubs. C'est-à-dire cette publicité, c'est une manière de montrer au public via le public virtuel, donc à travers la télévision, à travers l'Internet actuellement, à travers tous les différents engins conducteurs à travers lesquels vous pouvez vendre vos produits, véhiculer vos produits. Par exemple, Facebook, moi-même qui vous parle, j'utilise Facebook également comme engin de véhicule pour la vente de certains de mes produits à moi, mes produits, comme pour ceux qui me savent dans ma vie privée, je fais du wellness, c'est-à-dire les produits du bien-être. Ces produits du bien-être sont des produits naturels, organiques, bien sûr, biologiques. Donc, nous profitons de cela et nous faisons la publicité. Donc, ces produits-là, quand les gens vont les recevoir dans leur boîte à lettres ou devant leur maison, ça passe soit via par la poste également reçoit des indemnités pour cela. On choisit des acteurs, bien sûr, qui sont bien cadrés, qui peuvent bien, qui savent bien parler. Il y a un peu de la comédie et de l'humour qui rentre là-dedans en tenant compte des réalités de la société. Donc, on vous fait la publicité. Ça peut être la publicité sur Coca-Cola, que si vous ne buvez pas Coca-Cola, ceci, cela, alors que tout le monde sait bien que Coca-Cola tue les gens. Il y a un taux de sucre assez élevé et que, conséquemment, il y a du gaz et tout ceci peut créer des ébullements dans votre système sanguin et tout et tout. Tout le monde sait le danger de ces produits-là. Mais n'empêche que les gens vont faire de la publicité afin que les gens achètent ce produit. On vous fera la publicité sur dernier cri de iPhone 11. Ce dernier cri de iPhone 11, si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes un tocard, vous n'êtes rien. Parce qu'avec iPhone, il y aura des photos encore beaucoup plus performantes. Mais moi, je m'en souviens, quand j'ai reçu mon BlackBerry dernier cri, on m'a dit la même chose. Quand j'avais reçu mon Samsung Galaxy 10+, c'était la même chose. Mais en attendant, je continue à utiliser mon Galaxy S7 option olympique, je constate que ce sont les mêmes options. Donc, la publicité, c'est la commercialisation virtuelle. Hein? On commence déjà à vous tenter. Donc, faire la publicité, c'est aussi attirer l'attention des gens. Hein? Faire de la publicité... Pardonnez-moi, voilà. On parle de publicité, voilà quelqu'un qui vient me déranger dans mes histoires. Pardonnez-moi, parce que c'est fond de connecter avec... ma chaîne, comment dire, mes trucs de musique traditionnelle que je vous fais passer. Voilà donc le but de la publicité. C'est de faire passer un produit auprès des gens afin que les gens considèrent que ce produit-là est très important. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Dans la nuit des temps, les gens le faisaient. Mais ici, il s'agit de publicité spirituelle. Il s'agit de publicité religieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se font des milliards au nom de certains égrégores religieux. Je parlerai précisément de celui que nous connaissons tous, c'est-à-dire Jésus. Il y a même des films hollywoodiens. À Hollywood, il y a l'un des acteurs, bon, il ne vit pas en Hollywood, il vit en Italie, qui est le premier acteur blanc qui a accepté de jouer le rôle de Jésus. C'est un Italien qui est d'une famille pas forcément religieuse, il est lui-même athée, vous serez surpris. Ce mec-là ne croit pas du tout en Dieu. Vous pouvez vérifier ce que je vous raconte. Donc, il a accepté de jouer un rôle parce que c'est un grand comédien. Et quand vous êtes comédien, on vous donne l'histoire. Donc, vous devez étudier l'histoire. On vous donne jusqu'à même 2 ans. Je vous signale que le Terminator que vous voyez, qui n'a pas bien marché sur le box-office, là, ce film, il y a des scènes qui ont été, 50% des scènes ont été faites ici dans l'état de l'Ohio. Je parle du nouveau Terminator là, de M. Arnold Schwarzenegger. Bref, on vous donne donc du temps. Donc cet acteur aujourd'hui qui joue le rôle de Jésus que vous connaissez là, qu'on voit dans les grands cinémas, le premier, celui qui a vraiment joué le bon, vrai rôle de Jésus, pas celui qu'un autre Américain est venu faire là, faire couler le sang n'importe comment, créer des émotions. Tout ça, c'est la publicité, mais puisque c'est ça le sujet. Ce monsieur donc ne veut même pas entendre parler de lui. Mais les gens, partout où il passe, on l'arrête, on lui dit « Oh Jésus !» Les gens se montrent émotionnés et disent « Laissez-moi. Moi, je ne crois pas en Jésus. Laissez-moi tranquille. Je suis un acteur. J'ai été payé pour ça. On m'a donné une histoire. Et cette histoire, donc, le script m'a été remis. J'ai pris du temps pour l'étudier. J'ai étudié tous les évangiles. Il a mémorisé toutes les paroles là, dites à gauche, à droite, que Jésus prononce. C'est comme ça qu'on devient un acteur. Donc, mais ce monsieur n'est pas du tout chrétien, pour votre information. Pourquoi aujourd'hui je parle de la publicité de Jésus? Dans mon pays où je vis, le pays qui m'a adopté, les États-Unis d'Amérique, oh là là, bon là encore ça va. Mais quand je suis venu ici dans les années 90, oh, les autocollants sont partout, même dans les WC. Vous ne pouvez plus chier sans Jésus. Pardonnez-moi, mais c'est malheureusement la vérité. Vous verrez dans des voitures, dans des portefeuilles, je ne sais pas, sur les phones, partout, partout, que Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Les gens, des t-shirts, en New York City, où j'ai vécu pendant cet temps dans la zone de Manhattan, j'ai vu un mec qui faisait la publicité de Jésus, les t-shirts qu'il avait fait imprimer, de lundi jusqu'à dimanche. C'est-à-dire lundi, il y a un message de Jésus avec une écriture biblique bien appropriée. Mardi, la même chose. Mercredi, la même chose. Jusqu'à dimanche, chaque jour. Bon, je tiens à vous informer que le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi. Hein. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et le dernier jour de la semaine, c'est samedi, qu'on appelle sabbat ou al-sabbat. Donc, le sabbat, c'est un samedi, ce n'est pas dimanche. Là encore, que nos frères chrétiens me pardonnent, mais ça, c'est des vérités. Normalement, vos pasteurs qui vous enseignent dans les églises devaient le savoir. Même les prêtres devaient le savoir, que le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Qui nous l'apprend? C'est le peuple juif qui était les premiers détenteurs, propriétaires de la Bible que vous vous embrouillez là n'importe comment là. C'est son truc qui nous le dit. Allez-y demander à un juif, il vous dira la même chose. Bref, les publicités sur Jésus, pourquoi ça dérange beaucoup de personnes? Moi, ça ne me dérange pas personnellement. J'ai des amis, moi-même, j'étais un ancien pasteur, je suis ancien témoin de Jéhovah. Donc, sauf chez les témoins de Jéhovah, ils ne font pas trop de publicités sur Jésus. Hein? Ils ne croient pas à leur divinité, à la divinité de Jésus et tout ça. Je suis entièrement d'accord avec eux. Mais nos frères chrétiens, à gauche, à droite, oh là là, sans Jésus, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Et ceci, cela. Et ceci, tout ces tintamarres, ça se passe beaucoup plus chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, c'est un véritable tintamarre folklorique. Les publicités, il y a des t-shirts qui choquent même les gens. Au point même, ça peut créer des palabres. Moi, j'ai vu même des gens se battre à cause d'affaires de Jésus. Je n'exagère pas. Moi, j'ai vu ça. C'est au Burkina. J'ai vu des jeunes gens se fâcher. L'autre était traditionnaliste. Il dit, toi, tu me parles de Jésus. Toi, tu ne le connais même pas. Jusqu'à s'empoigner, se battre, à saigner. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on va, mon Dieu? Quelle est cette spiritualité? Le constat est grave. Je vous ai dit ici aux États-Unis, je n'ai pas encore touché mon côté de mon pays, le Gabon, là où je suis né. Mais je vous parle d'abord des États-Unis ici, puisque je viens de passer un peu, presque, bientôt le quart de ma vie ici. Ici, aux États-Unis, je veux dire le quart du centenaire. Donc, vous verrez dans les voitures, Jésus. Vous verrez dans des bars, Jésus. Des machins, des publicités, des autocollants. Même des bagues, Jésus. J'ai même vu des chaînettes, Jésus. Les artistes que vous voyez, la grosse croix. A big cross of Jesus. Tous ces artistes-là, Jésus. Il y a même des tatouages sur le corps des gens, partout, sur les visages, des croix partout. Et il y a l'un d'entre eux, je vous informe, il s'appelle Lil Wayne. J'espère que Dieu le pardonne, que Dieu le soutienne dans ses maladies actuellement. Vraiment, le mec, il est gravement malade. Il est entre la vie et la mort. J'espère que le Jésus là viendra le sauver. Parce que lui aussi, les tatouages jusqu'aux fesses, la croix de Jésus. Les tatouages au nez, Jésus. Et je travaille dans le monde forensique. Donc, je travaille avec des prisonniers criminels. La plupart de ces mecs-là, quand on les déshabille, lorsqu'ils arrivent de la prison, qu'on doit leur donner les tenues appropriées, qu'on leur fait face des examens. Mais mon Dieu, des grosses croix horribles qui font peur de Jésus. On montre Jésus. Bon, heureusement, dans la communauté noire, ils représentent Jésus, un Jésus noir, qui est un mec, Jésus, un bel homme noir avec les barbes. Et c'est devenu un style ici. Tous les noirs américains, tous ne gardent que des barbes, parce que pour eux, Jésus, c'est ça, c'est machin. Donc, ils ont les grosses croix que Jésus. Je parle des artistes. Je parle des athlètes. Mais vérifiez bien leur vie. Et c'est là où est le grand phénomène. Comment alors ces publicités-là attirent les démons? C'est là où on en reviendra. Mais allons-y d'abord dans le passé. Qu'est-ce que les écrits sacrés nous disent? Le livre de Josué, que j'aime bien, nous dira que ce livre de la loi, c'est-à-dire la Bible, ne se détache point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis conformément selon ce qui est écrit pour voir jusqu'à ce que finalement ta vie puisse avoir un succès dans ta vie et ainsi tu réussiras. Tous tes projets marcheront. Mais le livre des Nombres ajoutera que si nous voulons marcher avec notre Dieu, un Dieu qui agit dans le silence, faisons tout le possible afin que tout ce que nous fassions pour l'honorer et l'élever puisse se faire dans le silence et sans bruit. L'apôtre Paul en parlera dans le livre des Hébreux également. Dans le livre des Romains, il en parle. Un Dieu dont le temple est situé quelque part. Mais ce temple est où? Il est en nous. Donc, il n'est pas question de faire du bruit. Lui-même, Jésus, allez-y lire dans Matthieu chapitre 6. Ce n'est pas moi qui invente. Jésus, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Il répond à une question sur le mont des Oliviers. Les gens lui approchent. Là, je parle de Jésus des chrétiens, hein, que je ne partage pas, je le répète. Ma position, je ne crois pas en lui. Moi, mon Jésus, ce n'est pas ça. Mais je parle de manière générale, langage chrétien. Voilà donc ce Jésus qui dit non. Quand vous priez, fermez la machine. D'abord, il fait la remarque. Il dit, vous, quand vous priez, ne priez pas comme ceux-là qui aiment se faire voir dans les rues, dans les artères, les coins de rue, en criant n'importe comment. Je vous dis, si vous agissez comme eux-là, laissez-les. Leur récompense est déjà faite. Mais toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Rentre dans le secret. La référence, je vous ai dit, c'est Matthieu chapitre 6. Ça, tout chrétien devait le savoir. À partir du verset 5 jusqu'au verset 12, c'est à partir du verset 9 là même qui démontre la véritable prière qui est le Notre Père. Mais avant cela, il donne d'abord des consignes strictes. Il donne des consignes de prévention. Il dit, ne soyez pas comme. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas être comme? Il fait déjà une synthèse de comparaison. C'est-à-dire, il n'aimerait pas que vous fassiez comme les hommes du monde. Les hommes du monde, ils font du folklore. Il dit que leur récompense est déjà faite. Hein? Leur récompense, elle est déjà faite. Pourquoi? Mais parce que le véritable Dieu, tout le monde le sait. Vous n'avez pas besoin d'être initié. La Bible elle-même le dit bien. Que ton Dieu, c'est Matthieu chapitre 6, ça c'est Jésus qui parle. Les gens m'ont fait la reproche la dernière fois que non, maître, pardon, faut pas nous exhiber la Bible, pardonnez-moi. Mais la Bible n'est pas réservée aux chrétiens, hein, je vous informe. La Bible est un livre universel, tout le monde a accès à ça. Je préfère vous citer ce que lui-même Jésus a dit. Voilà, Matthieu chapitre 6. Verset 5. Lorsque vous priez, c'est Jésus qui répond à la question. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les coins des synagogues ou dans des églises, dans les coins des rues, pour être vu des hommes, à crier ça et là. Moi, je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Et le verset 6 ajoute, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et prie ton Père céleste. Lui, il est dans le lieu secret. Et ton Père secret, ton Père céleste là, qui voit dans le secret, il va te le rendre également secrètement. Donc, dans le silence, sans publicité, sans tapage. Voilà. Sainte Bible. C'est celle-là qui dit ça. Pardonnez-moi, je ne veux plus trop exhiber la Bible. Moïse. Moussa Avoua, notre frère. Lorsqu'il amène le peuple d'Israël dans la traversée, la marche de 40 ans dans le désert pour retrouver la terre promise. Qu'est-ce que Teta Mwanga va lui dire, l'être suprême? Il va lui donner des consignes strictes. D'abord ça, rappelez-vous, hein, sa sœur, Mariam. Il y avait sa sœur Mariam, il y avait un cousin à lui là, j'oublie même son nom. On le surnommait Longue Bouche. Le cousin de Moïse, qu'on avait surnommé le nom de Longue Bouche, avec sa sœur Myriam, savez-vous ce qu'ils étaient en train de faire? En train de faire du bruit, en train de parler, en train de dire oui, nous, notre Dieu, jusqu'à citer le nom du Dieu là, celui-là qui nous a amené là-bas, lui, en tout cas, lui, il a dit ceci, hein, machin, Moïse est en train de vous induire en erreur. Moïse là, non, c'est un bandit, ceci, cela. Ils ont oublié tout. Ils ont oublié que Moïse, quand il était avec eux là-bas en Égypte, on l'appelait Akhenaton. C'était lui le chef de tous les prêtres. Hein? Oui, le pauvre Aaron même, lui, ne faisait pas trop du bruit. Aaron ne faisait pas trop le bruit. C'était surtout Myriam, à Mariam, là. Sa sœur, là. Hein? Et elle, et un cousin. On l'appelait Longue Bouche. J'oublie, je vais retrouver le nom, là. Mais ce qui m'a intrigué dans cette histoire, quand le rabbin m'expliquait, le rabbin m'expliquera qu'on a surnommé ces mecs-là Longue Bouche. C'est même lui qui incitait Myriam de trop bavarder, de trop faire du bruit, de publicité à gauche, à droite. Souvenez-vous, lorsque le Dieu suprême remet l'alliance, l'arche de l'alliance, qu'il y ait l'être suprême avec le peuple juif ancien, cette alliance-là, cette tâche, autant pour moi, est-ce que cette tâche-là devait être vue du milieu des hommes? Vous connaissez la réponse. Ils avaient une tente. La tente, c'est-à-dire une forme de tente, de maison roulante. Donc à chaque fois que ce peuple se déplaçait d'un milieu à un autre, lorsqu'il y avait un danger, Aaron le prêtre était automatiquement convoqué. On lui dit, Aaron, va parler avec le papa. Et il amenait ses enfants. Vous connaissez l'un des enfants qui avait été tué parce qu'il a bu le vin. Et moi, il y a quelqu'un qui me dit là, non, toi tu dis aux gens que non, les esprits n'aiment pas le vin. Allez-y demander au fils d'Aaron pourquoi ils ont été frappés par l'ange, giflés et mourir. C'est parce que quand on est consacré sur le cheminement de Dieu, on n'a plus le droit de toucher au vin. Je ne vous ai pas interdit de boire vos vins. Hein. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit, non, vous êtes trop dur. Comment vous avez dit, les gens ne boivent pas le vin alors que le lit. Ils commencent à me citer des versets bibliques. Mais moi, les témoins de Jéhovah m'ont cité ces versets bibliques. Les témoins de Jéhovah boivent le vin. Mais moi, la même Bible dit que moi, mon corps, c'est le temple de Dieu. C'est un choix personnel. Et les témoins de Jéhovah ne dealent pas avec les esprits que moi, je deal avec. Donc, quand vous êtes là en train de dealer avec 1001 esprits à gauche, à droite, 7 sur 7, toujours avec les esprits, parler avec eux, méditer. Et maintenant, moi, je vais aller boire le vin. Maintenant, si je suis embrouillé, vous voulez que l'ange me tue? C'est ce qui arrive aux enfants de Aaron. Pardonnez-moi, ce n'était juste qu'une virgule. Donc, Aaron, lui, dans le temple qui était fait, préfigure du véritable temple qui devait être construit par Salomon à son arrivée, lequel temple se trouve aujourd'hui, le fameux mausolée, là où nos frères musulmans pensent que c'est là où qu'on a caché l'arche de l'Alliance, alors que ça se trouve chez nous en Afrique quelque part. Vous connaissez, ce n'est plus un secret en Éthiopie. C'est là où l'arche était cachée, l'arche que portait Moïse. Voyez-vous? Donc, cette tâche-là se trouvait au sein des saints. C'est-à-dire que quand on montait la tente, si vous lisez le livre d'Exode, si vous lisez surtout le livre de Lévitique, il vous explique dans les détails, les vrais détails de techniques, la haute technologie, comment cette tente-là, représentant le véritable temple divin qui devait être construit par un fils de David, de la descendance d'Abraham. Donc, l'arche en question se trouvait au sein des saints. Et c'est au sein des saints qu'était cachée cette arche. Nul avait le droit de regarder ça. Nul avait le droit de dire le secret. C'est vrai que le livre de Lévitique vous décrit que voilà, l'arche en question, il y avait deux archanges, des chérubins, dont les ailes étaient déployées et tout cela. Et vous verrez cela même. Je vois des jeunes là qui font leurs enseignements. Ils montrent ça maintenant n'importe comment au public. OK? Donc, le point que je veux dire, c'est quoi? Il n'y avait pas du tout de publicité parce que cette arche était l'arche de communion. C'était en un mot. C'est là où l'esprit manifeste divin, universel, tétamwanga, venait se manifester. Et il fallait être un choisi, un élu. Et quiconque servait au sein des saints ne devait pas toucher aux alcools, ne devait pas toucher aux femmes, ne devait pas faire ceci, cela. Aaron le savait. Voilà pourquoi ses enfants étaient consignés pour cette besogne, pour ce travail bien spécifique. Bon, après, ils pouvaient se marier, mais ils leur étaient pas autorisés de faire le désordre sexuel. Ils n'étaient pas autorisés à boire le vin. Moi, je ne sais pas ce qui a piqué à l'un des enfants d'Aaron d'aller toucher le vin. Voilà pourquoi il est mort. Il a été frappé. Les écrits sacrés nous disent qu'il fut frappé par un ange. On l'a trouvé le sang dans les narines, le sang aux fesses et à la bouche et aux oreilles. Une mort très triste et regrettable. Quand on ne veut pas suivre les principes du l'être suprême, quand il vous demande de le suivre, il faut suivre. Ce n'est pas parce que vous vivez par, j'en parle, ce qu'on appelle la loi conventionnelle. Les lois conventionnelles, parce que les autres mangent trois fois par jour, toi, si tu vas suivre maintenant, même si tu n'as pas faim. Parce que les autres, non, moi, quand même, hein, on m'a dit dans un livre des sciences que quand tu as plus de 60 ans, il faut commencer à boire le vin. Mais toi-même, est-ce que toi, tu penses que tu as besoin de ça? Si tu penses, si tu fonctionnes très bien, c'est vrai que la science dit que non, la pression artérielle, à partir d'un certain âge, ça commence à être calboigné, donc il me faut prendre du vin. Qui t'a dit qu'il faut prendre forcément le vin? Moïse, je voulais dire Noé. Noé, il était vigneron, non? Mais les écrits nous disent quoi? C'est à cause du vin qu'il se retrouvait tout nu et allait maudire les enfants qu'on a dit maintenant que cet enfant qui l'aurait maudit, le petit-fils qui l'aurait maudit, c'était nous l'homme noir. Et les chrétiens ont justifié l'esclavage. Vous connaissez l'histoire. Voyez-vous? Bref, la publicité. Il était formellement interdit au peuple d'Israël de faire des publicités quelconques en rapport avec le Dieu qu'ils adoraient. Et les consignes ont été données à Aaron que tout ce qui se trouve dans le sein des saints, nul ne devait en parler à qui que ce soit, car quiconque en parlerait serait frappé de mort brutale. Voyez-vous? Parce que le temple était constitué de trois chambres secrètes. La même configuration qu'on trouve dans le temple égyptien ancien. La même configuration qu'on trouve au niveau du temple des bouddhistes. Quand vous rentrez dans le véritable temple d'un bouddhiste, je parle surtout du bouddhifang. Vous verrez qu'il y a ces mêmes représentations. Allez-y chez mon grand frère, le maître Atomori Benga. Vous verrez qu'il a respecté cela. La procédure ancienne. OK? C'est comme ça. Il y a trois. Il y a la première porte commune où les initiés rentrent. Il y a la deuxième où la grande initiation s'opère. Mais il y a la troisième qui n'était pas accessible à qui que ce soit. Représentée par une petite coupole qui vous donnait accès avec les dieux de l'au-delà. Et là, c'était vous, âme nue devant l'être suprême. Et toutes ces choses-là, vous n'aviez pas le droit d'en parler à qui que ce soit. Vous n'aviez pas le droit de représenter cela sur votre voiture, sur votre maison, en faire des publicités, ça et là. Et le même Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs anciens, les Hébreux, nos frères qui étaient noirs, pas les Juifs d'aujourd'hui, là. Ce même Dieu. Ce même Dieu dira quelque part dans un écrit que vous n'avez pas le droit de marquer votre corps des marques. Vous ne devez pas mettre sur votre corps des marques, c'est-à-dire écrire ou de prendre des représentations naturelles, les représentations de la mère nature. En d'autres termes, ça nous amène à ce qu'on appelle des tatouages. Pourquoi? Eh bien, dans le livre des rois, on nous expliquera qu'il était exigé aux prêtres de ne pas avoir des marques quelconques sur leur corps. Parce que ils représentaient le temple universel. Le temple dans lequel eux travaillaient était une miniature, un peu comme on dit, le microcosme dans le macrocosme. Donc, le lieu d'adoration où ils se trouvaient représentait un peu ce cosmos, le macrocosmos. Donc, Dieu dans son entièreté, dans le grand univers, ce que moi j'ai toujours appelé la cathédrale universelle. Laquelle cathédrale universelle représente l'ambiance de toutes les énergies, de toutes les vibrations cosmiques universelles de tous les maîtres à travers toutes les religions ou les sectes à gauche, à droite, qui travaillent sur le bon côté. Il était interdit d'avoir des marques, dont les tatouages sont également interdits. Mais je vois aujourd'hui des chrétiens et même des pasteurs avoir des tatouages. Oh, Jesus doesn't care about the outside, man. The Lord cares about what's inside. He sees your heart. He don't see no what you get, your dreadlocks. He don't see your clothes. He don't see the way you walk, you go, the way you stand, whatever it is. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu, il s'en fout de ceci. Mais entre-temps, ils sont en contradiction avec ce que leur Bible a dit. Leur Bible dit bien que votre corps est le temple de Dieu. Et quand vous êtes le temple de Dieu, vous devez refléter ce temple universel. Vous êtes le réceptacle. Vous faites la publicité sur votre corps. Quand vous faites des tatouages, c'est de la publicité des déités ou des divinités que vous ne connaissez point. Ça a un rapport, hein, parce que les gens me disent, quel est le rapport avec le sujet? Le sujet est le suivant. Comment les pubs de Jésus-Christ là attirent les démons? Mais il y a des gens qui vous font la publicité de Jésus-Christ sur leur corps en mettant des tatouages de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ, le chapelet et toutes ces histoires-là avec Maria, un séduit sur les mains. La plupart des grands criminels, ces mecs-là, moi je sais de quoi je parle, je suis dans une institution, je suis au ministère de la Santé publique, au département des malades de maladies mentales, liés avec les hommes qui commettent des crimes qu'on dit de NGRI, de Not Guilty for Reason of Insanity, avoir été incriminé, le fait de tuer sous l'effet de la maladie mentale ou des troubles mentaux. Donc, tous ces mecs-là, je vois leur corps tous les jours. Ils ont des corps, des croix, des Jésus, des ceci, cela, des Ave Maria, des gros chapelets. Tout ceci est matérialisé sur leur corps physique. Ce sont des publicités. Et moi, vous voulez savoir comment les démons sont attirés? Mais c'est tout à fait normal. Vous pensez que ce Jésus qu'ils ont représenté sur leur corps, comment attirer les démons? Mais voilà la preuve. Ils sont en train de tuer les gens. Est-ce que c'est l'Esprit de Jésus qui vous a demandé d'aller tuer? Est-ce que c'est le cœur de l'Esprit de Jésus qui vous a demandé d'aller commettre un crime? Est-ce que c'est l'Esprit de Jésus qui vous a demandé d'aller violer un enfant de 5 ans? Est-ce que c'est l'Esprit de Jésus qui vous a demandé d'aller faire, molester un enfant ou maltraiter un chien? Non, pas du tout. Mais entre-temps, vous avez la publicité de Jésus sur votre corps. Vous voyez? Posez-moi les questions à la fin. Sans rapport même avec les tatouages des animaux, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à mettre un tatouage d'un chien sur votre corps? Parce que j'aime mon chien. Et je vous dis que tout ceci, c'est beaucoup fréquent ici aux États-Unis. Vous pouvez prendre tatouage de votre chat, de votre chien. Mais qu'est-ce que ça a à voir? On a même vu des tatouages des parties privées. Moi, j'ai vu ça. Il y a des femmes qui, comment je le sais? Mais je vous dis, je travaille dans un monde, l'hôpital psychiatrique. Donc, ces mecs-là, quand ils viennent en consultation, ou bien avant qu'on les mette sur le devant le médecin, on enlève tout le linge. La jeune dame a carrément le tatouage de l'appareil génital de son copain qui s'appelait Francis. Mais aujourd'hui, tu es marié à Claude. Qu'est-ce que Claude va dire quand il voit la partie génitale de Francis sur ton pubis? Ça, c'est de la publicité. Et cette publicité, je n'en arrive pas encore à la conclusion. Jésus. Là, on a parlé du corps, non? On a parlé du corps. Et le livre de Lévitique est clair. Mais certaines personnes vont bouder. Moi, je vais venir de créer, ils boudent toujours. Oh non, monsieur, on oublie. L'affaire, là, c'était dans l'ancien temps, hein, ainsi de suite. Ah bon? Mais dans ce cas, l'apôtre Paul se serait trompé quand il le lit dans le livre d'Hébreu. Et quand Jésus lui-même, votre Jésus que vous suivez, a dit non, moi je ne suis pas venu annuler la loi. Je suis venu accomplir la loi. Parce que tout ce qui se faisait, selon l'apôtre Paul dans le livre aux Hébreux, il dira que tout ce qui passa à l'époque de Moïse, n'était qu'un signe précurseur de l'arrivée du véritable sauveur à notre ère du Verseau. Donc, cela n'était qu'une figure des choses, une ombre des choses à venir, diront-ils. Voyez-vous ? Une ombre de choses à venir. Donc, si on a dit dans le passé que ne mets pas le tatouage, c'est aujourd'hui là, maintenant, que toi, tu vas dire oui. Mais entre-temps, ton Jésus dit quoi ? Il dit, je ne suis pas venu ici pour annuler la loi. Je suis venu accomplir. Vous comprenez ? Vous avez vu lui-même, votre Jésus que vous suivez, vous avez vu les tatouages qu'il a. Hein ? Mais entre-temps, laissons le tatouage de côté. Allez-y, mais montez dans un verset. Quelque part qui dit que non, vous devez prendre mes photos. D'abord, le Jésus que vous montrez là, il est faux. Parce que si vous lisez Matthieu, je l'ai toujours prouvé aux gens. Si vous lisez Révélation, le chapitre 4, on vous dira que le Jésus qu'on montre là, il est noir. C'est pas moi, c'est ce qui est écrit dans le livre de Révélation ou Apocalypse, le chapitre 4, du verset 2 jusqu'à 4. On vous dit bien que celui qui était assis, il était en forme de topaze. Vous savez ce qu'on appelle la couleur topaze? Il est noir. Il y a même la version standard américaine qui explique plus clairement, qui dit clairement, non, appelons la chose par son nom. Les versions latines de la Vulgate et de la Vulgate qui ont été, qui ont voulu être trafiquées, la traduction originale dit bien que le type qui est là, que Jean dans sa vision dit que non, et celui que j'ai vu qui était là assis, peut-être il y a de nouveaux parmi vous, vous vous doutez ce que moi je dis, moi c'est pas moi qui invente. Tout ce que je dis va de ma crédibilité, s'il vous plaît. Voilà ce qui est écrit. Apocalypse, le chapitre 4. Aussitôt, là c'est là où je vous avais justifié que même Jean sortait un vampire. Voilà ce que ça veut dire sortir un vampire. Voici ce qu'il dit. Après cela, moi je regardais, quand je regardais comme ça là, l'esprit me dit, monte ici, monte ici, je vais te faire voir tout. Maintenant, là, quand on dit à ma jambe que tu montes ici, là, on lui a demandé de monter avec ses chaussures. Il est sorti en vampire. Donc, il s'est biloqué. Et le verset 3 ajouta, le verset 2 ajouta, aussitôt, je fus content en esprit. Il n'a pas dit, j'étais content en chair. Je fus content en esprit. Et voici que celui-là, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône-là, il y avait quelqu'un qui était assis. Mais c'est quelqu'un, c'est qui ? Ajoute le verset 3. Celui qui était assis là, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe de sardoine. Vous savez ce que ça veut dire? Prenez le dictionnaire, Larousse, cherchez ce qu'on appelle la pierre de jaspe. Et il était noir. Voilà pourquoi on vous dit que le vôtre Jésus blanc là, c'est un faux. Ce n'est même pas Jésus qu'on vous parle là. Alors quand moi je dis mes choses, ne venez pas me mettre de la confusion. Bref, vous faites la publicité de Jésus qui est blanc. C'était ça le point. On montre un Jésus blanc. Et vous là, l'homme en Afrique, vous êtes là, alléluia Jésus. Et vous continuez à accepter ce mensonge. Entre-temps, la Bible que vous lisez, la Bible que je viens de lire, c'est la Bible de Louis II. Hein? C'est la Bible de Louis II qui a été modifiée à partir de 1884. Et vous savez ce qui s'était fait, non ? En 1884 à Berlin. Voilà. Traduit d'après le texte original hébreu-grec par M. Louis II, docteur en théologie. Mais malheureusement, dit-il, cette édition a été revue et corrigée en 1887, 3 ans après le grand conseil qui s'est passé à Berlin. C'est cette Bible-là. Donc c'est normal, ils ont modifié tout ce qui était original, mais dans la Bible originale, il est bien dit que noir. Mais maintenant, eux, pour cacher cela, ils ont voulu cacher, modifier, mais sardoine de jaspe, c'est quoi ? C'est noir. Revenons dessus. Donc, maintenant, erreur numéro 1, votre Jésus que vous faites la publicité dans les voitures d'abord, c'est un faux. Parce que vous montrez un Jésus blanc. Donc, ce n'est pas le vrai. OK ? Faites-moi la publicité plutôt d'un Jésus qui est noir. C'est vrai, vous aurez des problèmes. Mais vous oubliez que ces églises-là viennent d'ici l'Amérique. Ici en Amérique. Toutes les églises qui existent en Afrique, savez-vous que ça vient d'Amérique ? Voyez-vous ? Les publicités donc de Jésus, c'est quoi ? Les t-shirts. Vous partez imprimer un Jésus blanc sur votre t-shirt. Jésus vous a-t-il dit, allez-y me faire de la publicité pour moi? Jésus vous a demandé seulement une chose, selon Matthieu, chapitre 28. Ceci après. Ça, je parle du Jésus des chrétiens, là. Après sa résurrection, dont il apparaît à ces mecs-là, avant de disparaître, il dit, bon, voilà, moi, je veux vous dire ceci. Maintenant que je vienne, pardon, je ne vais pas tout me balader avec la Bible, je vous ai dit toute la Bible dans ma tête, tout est là-dedans. Voilà, Jésus leur dira. Allez-y donc et faites des disciples des nations. Allez-y leur annoncer la bonne nouvelle. Et même là, nos frères chrétiens ne savent pas ce que c'est cette bonne nouvelle. Je parle en tant qu'ancien pasteur, en tant qu'ancien témoin de Jéhovah, étudiant de la Bible, diplômé en théologie. Allez-y leur annoncer la bonne nouvelle. Faites des gens des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous aurez la capacité de faire ceci, cela. Même si vous êtes mordu par un serpent venimeux, le serpent, le venin ne va pas vous atteindre. Vous allez marcher sur des charbons en feu et tout, et tout, et tout, et tout. Il leur a donné tout pouvoir. J'ai dit, voilà. Il dit, moi, je vous donne tout pouvoir. Maintenant, moi, je m'en vais auprès de mon Père. Mais je vous enverrai l'assistant, le paraclès. Et c'est cet assistant qui va tout vous dire. Voilà, c'est ce que Jésus a dit. Dans son message, a-t-il dit oui. Faites-moi des publicités, écrivez-moi des t-shirts, imprimez, écrivez, mettez-moi mes marques, mon nom partout. Et entre-temps, vous lisez le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel. Vous lirez le livre des psaumes. Et vous lirez également dans le livre de l'Apocalypse. Le même livre de l'Apocalypse qui a été écrit par Jean. Je ne parlerai pas de l'Apocalypse ou la révélation de Pierre, parce que celle-ci a été considérée comme apocryphe. Mais Pierre dit la même chose dans sa révélation. Pierre, mais Jean dit la même chose. Que maintenant, moi, je m'en vais. Et comme je m'en vais, je vais vous donner des signes. Et de tous ces signes-là, voilà. Nullement, nulle part, il a dit, allez-y, me fais la publicité. Il n'a pas dit cela. Il a dit seulement, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Et l'apôtre Pierre, très conscient de cela, ne va-t-il pas écrire une parole qui doit nous intéresser? Il dira ceci. Le seul moment, si vous voulez vous comporter en bon chrétien, la seule conduite qui vous est exigée est la suivante. Menez une vie tranquille. Une vie tranquille et dans le silence. Ne violez aucune loi. Vivez selon la nouvelle personne ou laquelle personnalité est conforme à l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit Saint, lequel Esprit Saint est le paraclès que notre Sauveur, le Seigneur Jésus, nous avait promis. Mais par contre, vous devez être en mesure de vous défendre devant quiconque demandera la raison de votre foi. Je répète, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, le chapitre 3, dira « La seule raison d'exhiber et d'expliquer aux hommes la foi qui vous anime est la suivante. Si quiconque ose défier votre foi ou quiconque ose demander la raison de votre foi, alors en ce moment, seulement à cette condition que vous pouvez leur dire que la vie que je mène, elle est conforme à ce type-là, celui que vous appelez Jésus, qui nous a dit de faire ceci, qui nous a dit de faire cela. C'est tout. Même l'apôtre Pierre n'a pas dit non. Pour prouver aux hommes que vous êtes chrétien, il faut écrire, faire des publicités. L'apôtre Pierre connaissait l'Ancien Testament. L'apôtre Jean connaissait l'Ancien Testament. Et lequel l'Ancien Testament, Yahshua est venu dire que non, moi je ne suis pas venu annuler ça où. Ce qu'ils ont dit là-bas, c'est vrai. Ce que Moïse vous a dit là, c'est vrai. Moi, je ne suis pas venu annuler, mais je suis venu accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous ne devez pas faire des publicités. Car la publicité te tape à l'œil là. C'est ce qui entraînait la mort. Elle a la chance qu'elle n'était pas parmi les morts. Je vous ai parlé de Myriam, la sœur de Moïse. Tous les gens qui faisaient des publicités du bruit à gauche à droite. Tous les gens qui ont osé dessiner, représenter Dieu sous une forme de veau d'or, c'était de la publicité. Oui, mais comme Moïse ne vient plus, nous allons donc représenter un Dieu. Oui, nous allons faire la publicité du Dieu qui nous a sauvés. Moïse, ceci, cela. Mais entre-temps, j'oublie que c'est ce Moïse-là qui les a fait marcher à pied sec sur la mer Rouge. Alors, ils ont fait une publicité en faisant la publicité du Dieu qu'on appelle le veau d'or. Ce veau d'or-là, vous savez ce qui arrive. Quand Moïse est sorti, ils furent frappés. Parlant de Myriam, là, avec celui qu'on appelait Longue Bouche. Longue Bouche, avec près de 250 000 personnes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tous furent avalés par la terre parce qu'ils faisaient des publicités, des faux dieux. Ils étaient en train de regretter les dieux d'Égypte. C'est ça que nous rapportent les livres saints. Que au lieu d'être patient et de suivre l'homme que Dieu vous a donné, Moussabou, là, Moïse, celui qui devait vous conduire, non, ça boudait. Quand on était là-bas, on était bien. On était ceci. Entre-temps, en Égypte, le seul moment qu'on leur a donné l'opportunité de faire la publicité, c'était uniquement lorsque le Dieu leur avait dit à travers Moïse que Moïse, oh, bon, moi que la colère va frapper là, quand moi je vais envoyer tous mes esprits pour venir attaquer, voilà ce que je te demande de dire à chaque chef de famille juif. Vous mettrez du sang sur les linteaux des portes. C'est tout. Et ce n'était même pas la publicité, hein? Il leur avait demandé de mettre ces signes-là. Ça servait d'indice. Quand les esprits qu'on appelle les génies de la colère et les génies qui viennent frapper la mort, quand ils verront ça, ils vont épargner les gens qui habitent dans cette maison. Mais ceux qui n'avaient pas ce signe-là, ils étaient détruits. Voilà la seule occasion que les écrits nous révèlent que Dieu a demandé à Moïse de faire une forme de publicité. Et ce n'était même pas une forme de publicité, c'était une consigne. Montrez-moi encore, le livre de Lévitique est clair, on nous dit bien, pas de tatou, pas de signe, pas de nom de qui que ce soit, je suis un Dieu jaloux, je n'accepte pas que vous me faites la publicité n'importe comment. Paul le dit, le véritable temple de Dieu est en nous. Mais vous allez faire la publicité là maintenant pour aller où? Maintenant, il faut montrer la publicité de votre temple intérieur aux gens. Comment ai-je répondu au comment? Maintenant, je vais vous répondre comment. Les signes là, que vous faites à gauche, à droite, les t-shirts, là je parle maintenant de l'Afrique. En Afrique, vous avez les t-shirts, vous faites des publicités de Jésus sur des machins, des foulards, des machins, sur le corps, même les croix, j'ai vu. Ok? Sur les véhicules. Vérifiez bien la vie de ces mecs-là. Comment ils vivent? Vous avez la réponse. Parce que si toutes ces publicités-là qu'ils faisaient là, devaient leur mener une bonne vie, on n'en parlerait pas des crimes. Il n'y a même pas deux mois, vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans l'une des églises du Gabon. Pendant que le pasteur est en train de prier avec le fiancé, la fille prend le couteau et égorge le mec. Dieu merci, ce mec-là est en vie. Ce n'est pas moi qui invente, c'est dans les nouvelles au Gabon. Et ce n'est pas le premier cas. On a vu le cas des pasteurs qui font les mêmes publicités. Jésus en avant, Jésus en avant. Si vous n'avez pas Jésus, Jésus est le chemin, la vie et la vérité, vous faites des publicités. Vous faites des publicités alors que vous n'êtes pas né de nouveau. Et vous voulez que les démons fassent quoi de vous? Le démon ne peut que vous poursuivre. Vous êtes une coquille vide. Vous êtes un tambourin qui fait du bruit. C'est ça la réalité. Donc comment les démons donc sont attirés par votre publicité de Jésus? Mais ils sont attirés de la manière suivante. Vous faites une publicité d'abord de Jésus qui n'existe pas. C'est vrai qu'il est question de foi. Par votre foi, vous êtes branchés, selon Hébreux chapitre 11, du verset 1 et le verset 6, qui explique que quand vous croyez en Dieu, il faut déjà déclencher le processus de croire en lui. Parce que si vous avez un doute, c'est fini. Votre Jésus n'aura pas d'action. Mais malheureusement, 60% des hommes qui vont dans les églises, allez-y savoir, ils viennent nous consulter, nous autres, contre des démoniaques. Ils vont consulter mes frères du Bouiti. Ils vont consulter les marabouts. Ils vont consulter n'importe qui. Maintenant, le Jésus que vous faites la publicité, pourquoi il n'agit plus? Mais parce que vous faites la publicité d'un faux Jésus. Le véritable Jésus, ce n'est pas celui-là que vous faites la publicité. Le véritable Jésus, il est en vous. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est votre fondateur Paul qui le dit. Paul a dit, ne faisons pas du tintamarre et du bruit. Parce que le véritable temple de Dieu n'est pas dans un temple qui est fait des mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans une maison qui est faite des mains d'hommes, ni avec des publicités et des ornements à gauche et à droite. Vous allez mettre des effigies, de ceci, cela. Nullement. Parce que, dira-t-il aux Corinthiens, au chapitre 2 Corinthiens, chapitre 6 et 7, vous êtes le véritable temple de Dieu. Mais comme vous êtes le temple de Dieu, prenez soin de ce temple afin que les démons n'y accèdent pas. Devenez le gardien de ce temple. Ça, c'est la recommandation que tout le monde connaît. Les publicités que vous faites là, c'est pour avoir de l'argent. C'est pour attirer des âmes. Et quand vous attirez ces âmes, si vous-même, selon l'alchimie spirituelle écrite par l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, si vous n'appliquez pas cela, mais vous êtes exposé aux démons. N'est-ce pas le même apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que le diable se transforme constamment en ange de lumière? C'est lui qui le dit, non? Mais vous faites les publicités de qui? Alors, comment ces démons sont-ils? Mais c'est parce que le fait que vous faites une publicité de ce Jésus qu'il existe ou qu'il n'existe pas, mais vous-même, dans votre conduite, vous n'êtes même pas conforme aux préceptes ou bien aux ascèses. Je ne parlerai même pas le mot ascèse, parce que là encore, on va dire non, c'est un mot mystique. Mais vous ne suivez même pas les commandements de votre Jésus. Et vous faites la publicité. Et cette publicité a de quelle fin? Mais c'est avoir de l'argent. La preuve en est que les hommes les plus riches de la planète, la majorité sont des pasteurs, sont des multimilliardaires. Est-ce que Jésus vous a dit que non, allez-y me faire la publicité de ceci, cela, allez-y vous enrichir à mon nom? Jésus vous a seulement dit, amenez-moi la bonne nouvelle, c'est tout. Les gens vont me donner des critiques, oui, mais la technologie a évolué, d'accord, la technologie a évolué, mais donnez cette nouvelle-là gratuitement. Mais vous demandez encore aux gens de payer 500 000, de payer 1 million. Mais franchement, en dehors des dîmes, vous leur demandez des dîmes spéciales. C'est de la publicité. Et on a vu ça à la télé. Sans Jésus, vous ceci, cela. Tout ça, ce sont les démons. C'est ce qui attire les démons. Et vous attirez ces démons. Ces démons, donc, viennent dans la vie de vos serviteurs. Et vos serviteurs deviennent tous des dépravés. Ils seront tous des violeurs de femmes. Ils seront tous des menteurs. Ils seront tous des délinquants. Malheureusement, c'est la vérité. Voilà comment les démons sont attirés par vos publicités. Ces publicités attirent les démons. Comment? Le fait que vous-même, vos églises ne sont pas purifiées, vos églises ne vivent pas en harmonie avec l'église cosmique universelle originale, ne vivent pas en harmonie avec la cathédrale cosmique universelle, laquelle cathédrale accepte toutes les obédiences religieuses, tous les égrégores, que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste ou quoi. Ça, c'est la véritable église. Parce que Jésus lui-même, dans sa définition, même Paul lui-même, il dit quoi? Mais la véritable église, c'est celle-là qui n'est pas faite des mains d'hommes, mais par contre, l'ensemble de tous les individus qui croient en Dieu, qui croient qu'il existe un Christ. Et le Christ en question, ce n'est pas votre Jésus fabriqué n'importe comment. Christ veut dire loin. Celui qui est loin, celui qui est l'appelé, l'élu, et l'illuminé. Vous voyez? C'est un bouddhiste peut bien vous l'expliquer autrement à sa façon. Un initié zéniste qui fait du zen peut vous l'expliquer à sa manière. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit christique? Maintenant, de manière générale, nous les initiés, on appelle ça l'ère du Verseau. L'ère christique, c'est le retour de l'éclosion de la grande connaissance accessible à tout le monde. C'est l'éveil des consciences. Voilà pourquoi votre temple de serviteur, ça fait bientôt 45 ans, moi, personne ne m'avait dit, mais comment l'esprit me fait que me pousser, parle. Donc maintenant, après 45 ans, les génies me disent, non, il faut amener l'homme africain à cette tradition, l'amener à la source de la connaissance originale fondamentale. Les religions des blancs, c'est la distraction. C'est ce qui... La religion a été conclue en 1884. Et ça, tous, vous devez le savoir, vous, les jeunes qui avez accès aux ordinateurs. Allez-y à nos vieilles mamans, nos vieux papas, qui abandonnent leur pouvoir au profit d'un prêtre ou d'un pasteur qui va leur dire non. Toi, ce que tu fais, c'est démoniaque. Oh non, tu parles à ton ancêtre, c'est démoniaque. Et allez-y leur dire ceci, que M. Moreau Nouvier a dit ceci. Nous ne prions pas nos ancêtres, parce qu'ils vont vous exhiber le livre de Deutéronome, chapitre 12 et le chapitre 18, pour dire que non, Dieu interdit de communier, Dieu interdit de prier les morts. On ne vous a pas demandé de prier les morts. Ouais. On ne vous a pas demandé de prier les morts. Vous lisez le livre des rois et le livre des chroniques, on nous dira que chaque roi qui mourait, on faisait des honneurs à ce roi. Est-ce que ça veut dire maintenant là qu'ils adoraient le roi? Honorer veut dire reconnaître que ce mec qui s'en va, son âme n'est pas morte, que son esprit reste dans notre affiliation. Matthieu chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 17, ne parle-t-il pas de l'affiliation de Jésus-Christ, celui-là que vous appelez Jésus? Ne reconnaît-il pas son ancêtre que c'est Moïse, Moussa, Arou? Et dans Matthieu chapitre 17, vous n'avez pas vu le rite que Jésus a fait? Il s'isole à la montagne, il parle comme ça, et puis Moïse apparaît. Vous n'avez pas vu ça avec Élie? Et il a demandé à ses trois disciples, comme ce que vous avez vu là, ne dites à personne, fermez vos bouches parce que vous parlez trop. Vous allez dire aux gens que voilà, moi j'ai maintenant évoqué mes ancêtres. Jésus leur a dit ça. C'est écrit dans Matthieu chapitre 17. Voyez-vous? Donc, il y a autant de vérités que beaucoup, aujourd'hui, de nos frères religieux, se contentent à faire des publicités distrayantes, à avoir de l'argent, s'enrichir, rouler de grosses belles voitures, appeler première dame, voyager, aller à gauche, à droite. C'est ça là vraiment la mission qu'on vous a donnée. Les publicités que vous faites là, c'est vraiment ça. Si vraiment l'enfer existait, sans vous juger, vous ne trouvez pas que vous-même là, vous ouvrez la porte de l'enfer? Parce que vous êtes en train de tromper beaucoup de gens. Aujourd'hui, le taux de chômage au Gabon est à plus de 50%. Mais entre-temps, le pauvre gars qui fait sa petite pêche là-bas en Tchengue, qui a attrapé son poisson, il a gagné 10 000 francs, il a les soucis, dit, oh, il faut que je donne 5 000 à l'église, oh, parce que le pasteur a dit non, si je ne donne pas 50% de l'offrande de spécial, je serai mort. Voyez-vous? Donc, le gars va vivre dans sa pauvreté et vous vous enrichissez au dos de ce mec. C'est ça, là, ce que Jésus vous a demandé de faire. Jésus ne vous l'a jamais demandé. Les écrits sacrés nous disent que la dîme, elle est facultative. L'apôtre Paul a dit clairement que vous qui êtes des disciples, vous qui êtes des apôtres, vous qui êtes, comment dirais-je, des anciens dans les églises, il a adressé cette lettre-là à Tite. Il lui a dit, il ne faut pas devenir un fardeau pour la congrégation. Ne devenez pas un fardeau pour l'église. Vous devez travailler vous-même. Moi-même, l'apôtre Paul, je fabrique les tentes, je fabrique les bateaux. C'est comme ça que je gagne ma vie. Je paye ma nourriture, je m'occupe de moi-même. Bon, lui, il était célibataire, tant mieux. Hein? Il a dit ça. Alors, mais non, aujourd'hui, vous dites non. La publicité de Jésus, c'est quoi? Jésus a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité, donc il faut tout lui donner. On vous a dit, Jésus a besoin de votre argent. Et puis votre Jésus blanc, là, vous êtes sûr que c'est lui? Vous voyez? Il y a beaucoup de choses. Donc, pardonnez-moi, je ne viens pas ici pour faire la guerre à mes frères chrétiens, mais juste pour vous dire que je suis venu vous expliquer comment vos publicités l'attirent, les démons. J'espère que je vais me répéter. Les démons sont attirés comment? Elles sont attirées par le fait que vos énergies se concentrent à un but purement financier, égoïste et personnel. OK? Et les démons savent ça. Quand tu es un adorateur de Dieu, tu n'as pas besoin de faire de publicité. C'est le même apôtre Paul, fondateur de l'église que vous êtes là, qui a dit ça. Il a dit, le véritable temple de Dieu n'a pas besoin de bruit. Et lui, mais Jésus, je vous ai fait lire Matthieu chapitre 6. Il a dit quoi? Adore ton Dieu dans le silence. Sans de tapage, sans de bruit, sans de publicité. Et il est là, il t'écoute. Allez-y dans les pays de blancs là. Vous êtes au pays de blancs, en Europe. Vous avez vu le blanc crier n'importe comment, alléluia, comme un fou. Mais allez-y voir comment il prospère dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce principe du silence. Il n'est pas forcément maçon. Ah non, non, non. Le principe du silence, ce n'est pas maçon, ça. C'est la tradition. Que ce soit la tradition africaine ou occidentale ou méridionale. Ils savent ça. Que dans la vie, il y a trois choses qu'il faut éviter de faire. Ne partage jamais tes projets avec les gens. Ne parle pas trop. Et ne dis jamais, ne partage pas tes secrets à qui que ce soit. Les blancs, ils connaissent ça. Donc, quand il a ses projets, il garde ça dans le silence. Vous n'avez pas besoin de faire de publicité. Eux, ils adorent Dieu. Qui ne vous dit pas que ces blancs-là adorent Dieu? Ce n'est pas parce que quelqu'un ne montre pas devant tout le monde qu'au nom de Jésus, on fait la publicité. Et quand vous criez au nom de Jésus, quand on regarde bien, les plus grands criminels, c'est qui? Pardonnez-moi encore. Moi, je parle avec preuve. Je suis au pays où les églises sont nées. Je suis dans un hôpital psychiatrique. J'ai vu des gens tués au nom de Jésus. Yeah, moi, je vous dis la vérité. What's wrong with you, man? I'm hearing voices. So, what's the command of your voices? Oh, man, I can hear the command of my voices. The voices are asking me to kill somebody. Huh? Are you sure? Yeah. That's what I'm going to do, man. Oh, is that why you killed Mr. Robert? Yeah. I heard the voices. The command, the voice commanded me to kill Mr. Robert. Voyez-vous? Voilà. Mais entre-temps, ce type-là, il est chrétien. Il dit non, il a eu des ordres. La voix qui lui commandait d'aller tuer le pauvre Robert. Et entre-temps, vous vérifiez bien, c'est un chrétien. Toutes les églises du monde sont formées où? Aux États-Unis. 90%, voire 95% des églises qui se trouvent en Afrique, les églises éveillées, c'est ici là vous venez recevoir l'onction. Moi-même qui vous parle, en 2005, là, on m'avait proposé d'aller représenter une église au Congo, au Gabon et au Centrafrique. Je vous dis la vérité. On m'avait demandé de représenter l'église orthodoxe juive, on appelle comment, les Russes. Ils ont demandé parce qu'ils ont dit ça n'existe pas en Afrique. Je devais venir là-bas. Voyez-vous, tout part d'ici. C'est ici qu'on vous donne l'onction. J'ai un cousin, un frère, la famille, chez moi, de l'embarrané. C'est ici qu'on lui a donné l'onction. Et aujourd'hui, il se retrouve dans la politique. Alors que vous savez très bien qu'un homme de Dieu, véritablement, n'a rien à voir avec la politique. Vous partez faire les publicités au sein des gouvernements pour chercher quoi? Vous allez chercher mille et une excuses. Oh non, David avait des conseillers, ceci, cela. C'est des conneries, c'est faux. Ces conseillers-là agissaient en silence, c'était seulement des prophètes. Ils n'étaient pas là à accepter à prendre des portefeuilles du gouvernement et à escroquer ces présidents-là, accepter cet argent du sang, cet argent de la corruption. Mes frères, ce n'est pas ça. Donc arrêtez-moi ces publicités. Publicité aussi veut dire quoi? Toi avec ta bouche. Mon frère, Jésus a dit, hein, tu acceptes de te faire draguer. Et tu vas avec ce gars-là chez lui là-bas. Et tu commences à dire Jésus. Le frère a dit, oh, toi tu es venu avec ton affaire de Jésus. Tu acceptes mon pot de vin. Toi tu commences à me faire la publicité sur Jésus. Ça a commencé comment? Non, mais tu sais Jésus, il faudrait que tu viennes à mon église. Si tu veux d'abord qu'on sorte, hein, il faut que tu viennes à mon église. Montre-moi le verset biblique qui te dit que pour que ce jeune homme-là sorte avec toi, il faut d'abord qu'il vienne à ton église. Voilà une publicité. Donc, vous voyez comment les démons, en tout et pour tout, le diable, pour conclure, le diable est assis à l'église. C'est clair. L'apôtre Paul a dit que le diable se transforme constamment. Il n'a pas dit se transforme un jour seulement, non. Il se transforme constamment en ange de lumière. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Donc, chers frères pasteurs, chers frères chrétiens, parce que je sais que beaucoup vous allez vous fâcher, je ne vous ai pas insulté. Mais je vous ai seulement dit, sensibilisez un peu vos fidèles, qu'ils arrêtent de faire le bruit. Jésus ne vous a pas demandé de faire le bruit, selon Matthieu chapitre 6. Relisez-moi ce chapitre 6-là, où vous allez encore venir me corriger avec d'autres versets. Je vous attends, parce que je vous ai dit, toute la Bible est ici. J'ai été pionnier permanent, c'est-à-dire presque comme un missionnaire des témoins de Jéhovah. Et allez-y demander à n'importe qui à travers le monde, qui connaît mieux la Bible que n'importe qui dans ces histoires de sectes ou religions-là. Allez-y demander. Et en dessous quoi? J'ai fait 4 ans de théologie. J'ai un diplôme, bachelor, ici, à Ohio. Christian University. Sorkville. L'université est là, vous pouvez demander. Donc, je sais de quoi je parle. Je ne vous ai pas insulté. Mais j'ai seulement dit, clairement, j'ai expliqué à tous ceux qui sont abonnés avec moi là, ceux qui vont dans vos églises là. Mes frères, je ne vous ai pas interdit de continuer à aller dans vos églises où. Mais je suis venu répondre à une préoccupation que les maîtres m'ont demandé de venir un peu adresser. Parce que je constate malheureusement que quand je regarde avec mon œil de vampire, dans toutes les églises, c'est pas seulement ici aux États-Unis, même au Gamache, là-bas en Afrique, tu vois quelqu'un, il a le tatouage, il a une croix ici. Qui vous demande de mettre tout ça? Vous avez besoin d'amener ça où? Est-ce que c'est ça qui compte? Ce qui compte, on vous l'a dit, l'apôtre Paul a dit, ce qui compte, c'est l'intérieur. Ce qui compte, c'est votre nouvel être. C'est votre nouvelle personnalité conforme à l'esprit divin, conforme au paraclès. L'assistant que Yahshua devait vous envoyer. Mais est-ce que vous écoutez même les messages du paraclès? Et en plus, on vous dit que le Jésus que vous adorez là, il n'est pas blanc. Vous continuez à nier. Moi, je vous ai donné les preuves bibliques. Google, cherchez. On vous dira qu'il est noir. Tout le monde le sait. Peut-être que l'Africain est le dernier à le savoir. Tous les pays de blancs là, ils savent que Jésus là était noir. Le premier homme qui a été créé était noir. Oh, Moussa Abou, celui que vous appelez Moïse là, était noir. Salomon était noir. David le roi, il était noir. Mais vous voulez encore aller jusqu'où? Abraham, celui qu'on appelle Abraham, il était noir. Oh! Mais cette affaire de Jésus blanc là, avec une barbe blanche, je ne sais pas moi trop, bel homme, ceci, cela, hein? Qui se balade à gauche. En plus, on le représente qu'il est tout maigre. On vous a dit que Jésus était maigre. Allez-y lire l'histoire de Osis et Isilis avec leur fils qu'on appelait Horus. C'est un mec costaud, très fort et très beau. C'est qui a entraîné même l'animosité avec son propre frère Seth, celui que les chrétiens appellent le diable. Voilà la vérité, c'est celle-là. Alors, pour connaître toutes ces vérités-là, il faut vous initier. Et cette initiation, ce n'est pas nécessairement une initiation forte. L'initiation forte veut dire que monsieur Onouvé va dire non, allez-y vous baptiser, pardon, allez-y vous initier dans le bouti. Je ne vous ai pas demandé d'aller au bouti. Moi, je ne fais pas la promotion du bouti. Certes que j'ai mangé mon bois sacré, mais je ne suis pas trop fier d'être bouddhiste. Je vous le dis. Parce qu'il y a beaucoup mes frères de bouti qui nous ont aussi déçus. Il y a des plaintes ici, là. Des gens qui ont été détournés, des millions qui ont été pris. Et ces pauvres mamans, là, maintenant, ils ont la vie calboignée à cause de nos frères bouddhistes. Voyez-vous? Est-ce que ça veut dire qu'ils tous sont faux? Je vous cite mon grand frère, là. Moi, je l'appelle grand frère parce qu'on parle même ensemble, là. J'ai ces 3 numéros de téléphone. Le maître Apomori Benga, c'est un monsieur que je respecte. Il a rehaussé le bouti à un grand niveau. Il a même écrit maintenant des livres. Voilà, le frère Moussarou. J'ai aussi mon grand frère, là, Monsieur Pix Wilson Dombey. Tout le monde le connaît, professeur agrégé, conférencier international, professeur d'université à l'UOB en France, il fait des conférences là. Et grand initiateur du bouti. C'est un homme bien. Je ne dis pas il est bien parce que c'est mon propre grand frère de sang. Non. Il y a des bons hommes dans tout ça. Il y a mon petit frère qui a commencé le Babab, là, qui fait l'initiation du bouti de Pygmées, qu'on appelle chez nous les Ngomiens là-bas, du côté de mes parents paternels. Bouti Yakoa. C'est un bel homme, plutôt un jeune homme qui fait des bonnes initiations. Voyez-vous? Mais je vous dis que la honte, c'est parce que aujourd'hui, mes frères du Bouti, Misoko, partout j'entends pas, oh non, c'est des macros, et les femmes, surtout les femmes qui sont victimes, elles viennent se plaindre, ici, oh yo, hein? Ceci, c'est ça. Hein? Vraiment. Voilà, c'est ce qui vient nous dire. Et complètement, dont le nom de nos traditions est gaspillé. Je suis obligé de me justifier auprès des Américains, leur dire non. Nous, on ne tue pas les gens dans nos initiations de bouti. On ne tue pas, pardon. Le bouti est une science traditionnelle. Ce n'est même pas une religion, c'est un style de vie. C'est la voie sacrée, excellente, par laquelle l'homme se lie directement à Teta Mwanga, accède aux arcanes secrètes, la découverte de soi à travers la plante sacrée qu'on appelle Iboka, qui n'est pas une plante hallucinogène, comme les gens le disent. Les blancs, ils aiment les gros mots, hallucination, c'est-à-dire tu hallucines, tu ne comprends plus. Non. On est conscient dans ce voyage-là. Voyez-vous, C'est la création, c'est même le but de la création de mon Baba. Donc moi, quand je viens parler mes choses ici, je parle en tant qu'initié. Et si, parce que je constate que plus de 60% des gens qui me suivent là sont des chrétiens. Donc mes chers frères et sœurs chrétiens, ne soyez pas offensés. Oh, je vous amène dans votre propre Bible. Hein? Donc les publicités là, arrêtez-moi ça. Quand toi tu adores ton Dieu, appliquez-moi Matthieu chapitre 6, du verset 2 jusqu'au verset 5. Hein? Jésus dit quoi? Il ne faut pas faire du bruit, il ne faut pas faire du tapage, il ne faut pas faire la publicité. Le pasteur vous dit, on va prier. Oh, voilà, le président tel, oh, il est calboyer, ou bien le premier ministre, ou bien je ne sais pas trop qui, il y a tel député qui doit être élu, prions pour lui. C'est un menteur, on n'a pas le droit de prier pour un homme politique, je vous l'informe. Ce n'est pas moi, c'est Jacques. Jacques, le petit frère de Jésus, même père, même mère, il a dit ça. Il dit que la politique, c'est de l'adultère. Vous commettez de l'adultère. Quand vous êtes un homme de Dieu dévolu, vous restez avec votre business de Dieu. Voilà comment j'ai dit aux gens, à un moment, je parlais politique. Je vous avais dit, le moment venu, je vais même adresser mes excuses au Bongo, là, aux familles Bongo. Je dis, oh, pardonnez-moi, oh, je ne sais pas si je vous ai insulté. Bon, je ne m'en souviens pas, mais j'ai les vidéos avec moi. Mais en tout cas, le fait que j'ai parlé un peu, être un peu du côté du peuple, pardonnez-moi, c'est un péché que j'ai commis, oh. Mais je suis un homme neutre. Il est vrai que j'ai soutenu M. Jean Ping, là. On ne parle pas politique ici. Bon, maintenant, là, lui aussi, il est carboigné, je ne sais pas ce qui se passe. Il s'embrouille là-bas, il se réveille un bon matin. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, Atata Ping, si toi tu ne me suis pas, t'es fâché. Moi, je parle avec toute sincérité de cœur. J'apprends maintenant que toi, tu fais maintenant les causeries à gauche, à droite. C'est une bonne chose, mais tu attendais quoi pour faire ça? Il faut rassurer le peuple. Bref, voilà, c'est ce type que moi j'ai soutenu. Bon, maintenant, si ce n'est pas lui qui va devenir président, si on met quelqu'un d'autre, tant mieux. Mais moi, ce que je veux, c'est la paix dans mon pays, le Gabon. Maintenant, là, il y a eu des balles à cruche, et là-bas, ceci, c'est là, beaucoup de gens qui s'embrouillent à gauche, à droite. Bon, écoutez, je donne ma position, je suis un homme neutre en politique. On m'a proposé des postes, mais j'ai refusé. Pourquoi? Parce que là-bas, je serai obligé de justifier, de mentir. Et comme je suis un homme qui aime vivre dans l'honnêteté, là, on va me dire, bon, tu vas gérer 10 milliards. Ok, monsieur le président, j'ai compris. Bon, les 10 milliards, là, c'est quoi? Oh, ça doit être pour la culture. Ok, moi, je vais présenter mon cahier des charges. Je dis, ah, monsieur le président, pour la culture, là, j'ai prévu un grand temple universel qui doit réunir toutes les croyances de chez nous, le Gabon, pour que désormais, l'affaire des chrétiens, les religions étrangères, là, ne nous envahissent pas trop. On va faire comme au Bénin. Hein? Monsieur Talon, il a légalisé le vaudou. Aujourd'hui, le vaudou est reconnu même jusqu'aux États-Unis hein, comme une grande religion avec des structures. Donc, monsieur le président, pour ce projet-là, il faut 2 milliards. Mais je vais vous montrer le cahier des charges. Voilà, voilà ce qu'on fait. Toutes les preuves à l'appui. Ah, monsieur le président, oh, ah, les 3 milliards que vous m'avez donnés, oh, voilà, c'est ce que j'ai fait. Mon salaire était seulement de 5 millions par mois. Moi, c'est ce que je mangeais. Vous m'avez donné des bonus. Les bonus, voilà, c'est l'argent est là, c'est encore en compte. Est-ce que j'ai volé? Non. Ah, merci, oh, monsieur le président. Mais les gens comme ça, il paraît en Afrique, on ne les accepte pas. On va même vous tuer le même jour. Parce que quand vous êtes trop honnête dans le monde politique, là, on va dire, oh, le type là, il veut montrer qu'il est qui. Moi, j'ai appris que le premier ministre gabonais, il veut maintenant montrer ses biens. Mais demandez qui avait sorti cette affaire. Il y a 3 ans, j'en parlais. J'avais dit, normalement, vous ne pouvez pas être membre du gouvernement, un premier ministre ou bien un ministre, si on ne connaît pas d'abord votre richesse. Vous devez, moi, aujourd'hui, je dis bien, si je m'intéresse à la politique, je viendrai avec mes comptes bancaires, le nombre des comptes bancaires que j'ai aux États-Unis, le nombre des affaires que j'ai, tout, je montre au public gabonais, oh, maintenant moi là-haut, je vais être sénateur. Mais, avant de vous dire, parce que moi je ne veux pas que les gens m'embêtent, vous connaissez ma maison de Porrentino? Oui, qui se trouve là-bas, aux petites routes de la mosquée? Oui, bon, vous connaissez la maison de Ramba, même si maintenant il y a les voyous qui ont tracé quoi? Oui. Ah, vous connaissez du côté de Libreville, non? Vers le lycée technique? Oui, ok, voilà, voilà les preuves. Voilà le compte que j'avais laissé à la BICIG depuis l'an 1993, là, voilà. J'ai laissé un compte épargne. Voilà tant de millions qu'il y a dedans. Maintenant, moi, je vais être sénateur. Bon, mon argent, j'ai travaillé comme fonctionnaire aux États-Unis. Je fais ceci, cela. Donc, voilà mon argent que j'ai épargné. Voici mon compte. Normalement, si on fait les choses comme ça, je vous dis que le pays va évoluer. Il n'y aura pas de corruption. Mais vous mettez quelqu'un, un jeune homme de 35 ans, qui n'a jamais travaillé. Tout simplement parce qu'il vous soutient dans votre parti. Vous dites, bon, vous le bombardez tout de suite. Même ne fût-ce que le mettre même comme petit chef de service quelque part. Non, non, non, non, non, non. Vous le mettez direct ministre. Mais vous pensez qu'il va faire quoi? Il n'a pas de maison. Il n'a pas eu d'épargne. Il n'a pas de voiture. Vous pensez qu'il va faire quoi? Si vous ne le formez pas. Donc vous comprenez pourquoi moi je ne veux pas rentrer dans le monde de politique. Bref, pardonnez-moi. Il ne fallait pas que je rentre là-bas. Je vous laisse m'en sensibiliser, mes frères chrétiens. Particulièrement ceux de mon pays, le Gabon. Je ne suis pas venu vous insulter. Mais je vous dis honnêtement, arrêtez de me faire des publicités sur cette affaire de Jésus-là que vous ne connaissez pas. Si vous le connaissez, tant mieux. Mais maintenant, même si vous le connaissez, suivez un peu ses conseils. Il a dit, il ne faut pas faire trop de tapage. Le vrai tapage que vous devez faire, c'est celui que l'apôtre Pierre a dit. L'apôtre Pierre a dit quoi? nos actes ou nos actions devaient parler plus que nos paroles. Comprenez? L'apôtre Pierre a dit, nos actions ou bien nos actes devaient plus attirer les gens que nos paroles. Parce qu'on peut parler et agir autrement. Et c'est le même Pierre qui a dit ceci. Le seul moment où vous êtes appelé à vous expliquer devant quelqu'un qui n'est pas de votre obédience, c'est-à-dire qui n'est pas chrétien, la seule fois que vous devez vous expliquer est la suivante. C'est lorsque quelqu'un ose vous dire, mais toi ton Dieu là que tu dis là, c'est qui es-tu, de quel droit tu viens me perturber? Et d'ailleurs, ce langage est très symboliquement allégorique. En réalité, il s'adresse ici aux esprits. C'est-à-dire que quand vous êtes un homme de Dieu aiguisé, éveillé, je le fais dans mes pratiques mystiques. Il s'agit de lorsque le démon commence à te tenser. Souvenez-vous, dans mes enseignements, j'explique. Le démon va te dire, mais toi, t'es qui? Toi, tu oses venir guérir cette femme-là? Moi, je suis ici-là, c'est mon temple. Moi, je la manipule depuis longtemps, même si elle est chrétienne. Moi, je m'en fous, mais moi, j'ai réussi à la voir. Toi, t'es qui? Et c'est comme ça, l'apôtre Paul dira que c'est à ce seul moment que vous pouvez donner la raison de votre foi, la raison de votre force pour pouvoir agir et en lieu et place au nom de ce Dieu-là que vous adorez. C'est tout! Voilà ce que l'apôtre Paul reconnaît. Mais le reste là, c'est de la confusion et de la cacophonie. Vous avez compris maintenant? Donc vous avez maintenant compris comment les démons attirent? Comment vous attirez les démons dans vos histoires de publicité de Jésus? C'est par vos actions. Et parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Même les pasteurs, ils ne sont pas nés de nouveau. Pardonnez-moi. Parce qu'un pasteur qui continue à être dans la politique, alors que la Bible est claire, Jésus a dit, je ne suis pas de ce monde. Et par conséquent, tout cela, vous qui vivez dans ce monde-là, je vous demande de vivre dans ce monde, mais ne faites pas partie de ce monde. C'est-à-dire, n'agissez pas et ne faites pas ce qui se fait dans le monde. Son petit frère Jacques, de même mère, même père, a dit la même chose. Que celui qui ose se mêler des politiques commet de l'adultère. Vous voulez que je vous amène? Et nous savons que le monde de la politique, c'est du mensonge, du banditisme. Pardonnez-moi à mes hommes politiques là. Si vous voulez que je sois votre conseiller, je ne vais pas refuser. Voilà le seul poste qu'on donne normalement aux hommes spirituels, c'est d'être conseiller, porter des conseils. Mais dire que oh, tu vas être ministre, tu vas être directeur de ceci, oh, la tentation va être forte. Hein? Ah, mais mon Dieu, on m'a donné 15 milliards, là je vais faire comment? Voilà comment les démons vont commencer à vous embrouiller. Donc, autant rester dans mon monde de manipulation et de combat avec les esprits, de guérir les gens à distance au téléphone, de répondre, d'intervenir, faire mes séminaires, écrire mes livres comme je suis en train de le faire là. C'est tout. Je n'aurai à me reprocher de rien. Si quelqu'un va venir me buter, me tuer parce que je parle de mes vérités scientifiques, mystico-spirituelles que mes ancêtres m'ont léguées, ah, ça c'est son problème. Ou il va soulever un karma, ou il va devenir crapaud quelque part, je ne sais pas trop. Mais par contre, moi si je vais maintenant insulter qui dans leur gouvernement, me mêler de leurs affaires, de business, de vol, de ceci, de tuerie, là, je les aurais provoqués. Mais je ne provoque personne. Alors, que Tétan Mwanga, Ibanga Banga vous bénisse. Avez-vous des questions avant que je ne vous quitte? Parce que là, je sais que, oh, il est déjà, quelle heure là? 23h40. C'est beaucoup là. Même si c'est le week-end, je ne dois pas trop vous garder longtemps. Pardonnez-moi. Battery 80%. Connected to Samsung Galaxy S7 Edge. J'attends vos questions. Avant de tirer ma conclusion. Bon, je vais répondre directement parce que je n'ai pas de quoi écrire. Première question. Devons-nous, puisqu'on sait maintenant que le Jésus, là, même la Bible nous l'a prouvé que Jésus est noir, devons-nous continuer à promouvoir un Jésus maintenant qui est noir alors qu'au départ il était blanc? Ça, c'est comme ça que j'interprète la question. J'ai dit non, arrêtez-moi ça, parce que vous allez vous embrouiller. L'image qu'on va vous présenter, c'est toujours un Jésus blanc. Donc, vous serez toujours sur le coupole. La coupole, autant pour moi. Mais par contre, le deuxième aspect de la question, c'est devons-nous plutôt continuer à promouvoir le culte de nos ancêtres? J'ai dit oui. Le culte de nos ancêtres, ce n'est pas une adoration, ce n'est pas de la prière. Ça a toujours été ainsi. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Chinois sont très avancés. Les Chinois, les Japonais, le président russe Poutine, là, lisez bien son histoire. Eux, ils suivent leur tradition à eux. Ils ne sont pas là dans les histoires de la religion romaine, léguée par des Romains et devenir des églises éveillées à gauche, à droite. Je n'ai pas vu l'autre question là, que l'écran revienne vite là. Que comme je ne maîtrise pas l'écran, là, j'attends que les questions reviennent. Donc, j'espère que j'ai répondu clairement à cette question-là. C'est très important. Il n'est pas question de promoto, voilà. Vous qui avez les tatouages, il faut enlever. Pour connaître la vraie histoire de Jésus, je dois chercher l'histoire où. Oh, toi, tu es où? Bon, si tu es au rabbin là-bas, c'est normal, tu vas trouver l'histoire de Jésus. Mange le bois sacré, va t'initier au boutique, tu verras qui est le vrai Jésus. Les vrais initiés du boutique qui ont vraiment mangé le bois sacré, quand ils posent cette question-là, avec toute sincérité et esprit de confession devant l'onima, mais vous allez voir Jésus que ce n'est pas un noir, un blanc. Hein? Ou bien. Ah oui, oui, oui, oh merci. Oui, Horus, c'est avec H, pardonnez-moi. H-O-R-U-S, yes, oui. Parce que, à chaque étape, ou attaque à chaque cycle de l'histoire, il y a une copie d'une histoire ancienne. Ok? Il y a une copie de l'histoire ancienne. La première histoire ancienne avait commencé par Horus et Isis. Et 7 siècles plus tard, on nous parle de l'histoire de Devika et Krishna. Devika et Krishna, ils ont fait un enfant. Et cet enfant deviendra finalement Bouddha. Oh, après ça, c'est fini. On peut maintenant, au 4e siècle de notre ère, donc en l'an 325, ah, les gens se sont entendus à propos d'abord des différents conciles qu'ils ont eus là. Il y avait Ptolémée Sauter numéro 1, Ptolémée Sauter numéro 2 et le Ptolémée Sauter numéro 3, celui qui était devenu finalement le premier pharaon blanc en Égypte, décide de par de son effigie que non, maintenant là, on va former Jésus là. On va former l'histoire de Jésus donc à partir de l'histoire russe. Donc c'est comme ça. Et quand vous voyez également la culture grecque, c'est pareil. Ils parlent de la même histoire. Il y a même des noms qui sont donnés là-bas. Voyez-vous? Donc, oui, il faut comprendre l'histoire d'Horus. Vous verrez que quand vous allez étudier bien l'histoire d'Horus, vous aurez une compréhension exacte de tout ce qui se passe. Hein? La résurrection, après 3 jours, la personne fut ressuscitée. J'explique cela dans ma vidéo que je vous prie de suivre, s'intitulait « La mort ». Il y a 2 chapitres, la mort première partie et mort deuxième partie. J'explique ce que c'est la résurrection. Que les chrétiens ont parlé de Jésus, qu'il a été ressuscité parmi les morts. Voyez-vous? Maintenant, le diable et Satan, je vous l'ai dit selon Ézéchiel chapitre 28, ce n'est pas un type cornu qui a des fourches, tout ça. C'est un chérubin, un bel ange. J'ai donné la référence, je répète, Ézéchiel chapitre 28, du verset 13 jusqu'à 17, vous aurez la vraie identité de ce type-là qu'on appelle Satan. En réalité, son homonyme, c'est Seth. Seth, c'était l'un des 12 fils qui était en Égypte, hein, pour vos informations, qui était grand frère de Osiris. Et grand frère de Isis. Or, Isis, Osiris, Seth, Anubis et bien d'autres noms que vous connaissez parmi les 12 fils. Anubis, c'était le prêtre en chef de l'initiation. Par contre, Isis et Osiris, c'était à la fois les dieux, rois et reines, et frères et sœurs de même sang. Voilà l'histoire, c'est celle-là. Et il faut bien lire cette histoire. Alors, pour mieux avoir une appréhension et compréhension de cette histoire, je vous prie de lire notre parent, Cheikh Anta Diop. Il en parle. On nous en parle de la déesse noire. Les fameuses vierges noires. Hein? Les vierges noires, mais c'est normal. Notre maman Isis, dont le nom a été transformé par certaines traditions chez les Grecs, on l'appelle Ast ou Aset. Voyez-vous? Et chez les chrétiens, on l'appelle la Vierge Marie. Alors qu'en réalité, c'est Isis. Et Isis, originellement, elle était noire. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour connaître l'histoire de Jésus, je vous conseille. Comment surmonter les échecs? Les échecs d'abord résultent de qui? Mais de vous-même. Je réponds à ces questions même sous le babab. Les échecs que vous avez, vous partez d'un échec à un autre, échec à un autre, mais il faut vous poser la question. À un moment, il faut faire ce qu'on appelle une rétrospective. Arrêtez-vous un moment et posez-vous la question, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ça rejoint la question que je traite là il y a une semaine, j'ai sorti une vidéo intitulée Pourquoi vous vous plaignez? Ou bien, arrêtez de vous plaindre. Recevez-moi cet enseignement. Elle va répondre en partie à cette question. Comment surmonter les échecs? Parce que ces échecs, en réalité, vous allez dire que, mon Dieu, j'ai la malchance. Non, non, non. Ce qui vous arrive, inconsciemment, vous êtes responsable. Je pèse bien mes mots. Que les échecs qui vous arrivent, inconsciemment, vous êtes responsable. Vous avez dû être au cours de votre vie passée, ou dans une incarnation passée, ou si vous êtes encore trop jeune que vous commencez à vivre ces échecs-là, réexaminez votre vie. Réexaminez votre vie entièrement et dans tous les détails. Vous trouverez la réponse en vous. Ok? Et maintenant, une fois vous avez fait cette rétrospective de votre vie, vous devez prendre ce qu'on appelle vous devez remettre en question et prendre une ferme résolution. Laquelle ferme résolution pour vous, c'est quoi? C'est de reprendre votre vie maintenant entre vos mains. Comprenez? Je crois qu'on se fait comprendre. Les échecs, comment les surmonter? Il faut d'abord passer par l'école de connaître toi-même. Ne cherchez pas à connaître Dieu. C'est l'erreur que les humains commettent. Connais-toi d'abord toi-même. Donc, par cette prise de conscience ou par cette rétrospective. C'est pour cela que je propose une étude de la personnalité. Par le connaître toi-même. Maintenant, l'autre question là, quelqu'un a demandé, est-ce que Jésus et Marie sont des égrégores? Mais bien sûr. Vous pensez que je dis quoi? Le Jésus des chrétiens, c'est un égrégore. Oui, oui. Je le dis avec force. Pourquoi? Parce que ça a été créé par l'Église catholique, apostolique et romaine à partir du 4e siècle. C'est tout. Ce sont eux, les Romains qui ont créé. Non. Aujourd'hui, je vais parler. Oui, quelqu'un dit que pourquoi j'insiste sur le christianisme. Vous ne me connaissez peut-être pas. De 1963, je dirais de 1962 jusqu'à 1986, j'étais catholique, forcé, baptisé très jeune à la naissance. Okay? Et de 86 jusqu'à 1999, j'étais témoin de Jéhovah. Comptez bien le nombre d'années. Okay? Donc, j'ai vécu dans ce cercle religieux chrétien. Je suis bouddhiste de par les arts martiaux que je pratique. Oui, il y a certains rites, il y a certains enseignements que je viens de transmettre ici. Par exemple, la maîtrise du Tantra, la maîtrise du Kamasutra Yoga et autres, ou le Qigong. Ça, j'apprends ça auprès des Chinois. Mais c'est plus au traditionnel. Le bouddhisme n'est pas une religion, pour votre information. Le bouddhisme n'est pas une religion. Bien que nous, dans notre intellect africain et occidental, donc des pays d'Abraham, mais même les Blancs ont compris que ce n'est pas une religion. C'est un style de vie. L'islam, moi-même je suis musulman, mon nom c'est Abdurrazak. Si c'est la première fois que vous me suivez, je vous informe. C'est là-bas où j'ai été initié dans le soufisme. Le soufisme c'est la magie, si vous voulez, c'est l'islam mystique. Si vous voulez, l'islam mystique ou quoi? Parce que le soufisme, si vous voulez, c'est la mise en application de la voie ésotérique de l'islam. Donc on trouve, il y a des sourates, les mêmes sourates que vous répétez tous les jours comme des perroquets, ces mêmes sourates, vous pouvez les utiliser pour la guérison des nations. Vous pouvez les utiliser pour lire l'avenir. Vous pouvez les utiliser pour même sortir d'un vampire. Vous pouvez les utiliser pour servir de protection. Voilà ce que c'est le soufisme. Comprenez? Donc, je ne m'attaque pas personnellement aux chrétiens. C'est tout à fait normal parce que la question a été posée beaucoup plus sur eux. Le christianisme n'est pas là. Non, le christianisme, il faut apprendre que le christianisme, normalement, vous êtes sûrement mieux informé que moi, le christianisme est né du judaïsme. Hein? C'est pour ça qu'on appelle toutes les religions chrétiennes là, des religions dites judéo-chrétiennes, non? C'est ça? Pourquoi on dit les religions judéo-chrétiennes? Mais parce que ça vient de Machin. Et puis, il y a un dysfonctionnement. Quand je discute, moi, la plupart de mes maîtres qui m'ont initié dans la Kabbale, c'est des rabbins. Vous comprenez? Donc, j'ai une appréhension, une compréhension beaucoup plus poussée de la Bible sous l'influence des rabbins, en même temps que j'ai fréquenté les témoins de Jéhovah. Mais la différence, que les témoins de Jéhovah vont dire, non, les rabbins, c'est des faux. Et ils ont renié Jésus, ils ont renié Jésus. Bah, ils ne comprennent pas, par la renonciation de Jésus, ils ne savent même pas de quel Jésus parle. Voyez-vous? Donc, personnellement, si vous êtes chrétien, ne soyez pas offensé. Je ne m'attaque pas trop aux chrétiens. Je m'attaque à tout le monde. Mais comme le mal aujourd'hui, le phénomène le plus récurrent au niveau de chez nous en Afrique, mais vous verrez vous-même, il n'y a pas le bouddhisme qui est installé au Gabon chez moi. Il n'y a pas le bouddhisme au Congo où j'ai travaillé longtemps et même au Cameroun. Ce sont des étudiants qui étaient ici à gauche, à droite, dans les pays d'Abraham, qui amènent cette affaire de bouddhisme avec les barbes comme ce machin, ou bien je ne sais pas quel style ils adoptent, devenir des végétariens. C'est parce qu'ils ont adopté cette nouvelle philosophie qui peut-être s'adapterait mieux à leur morphologie mystique, spirituelle ou physique. C'est un peu ça. C'est comme le yoga. Je pratique le yoga depuis les années 78, mais dans la pratique du yoga, je découvre que effectivement, il y a une grande influence du zen dedans. Le zen, c'est une pratique mystique chinoise et japonaise. Dans les pays asiatiques, la plupart pratiquent le zen. Dans le Tibet et tout ça. Et là-dedans, nous avons la technique de la méditation. Et là-dedans, j'attaque également certains des enseignants qui viennent ici exploiter et voler l'argent des Américains moyennant un stage de seulement 5 jours et puis voilà, vous aurez Kundalini qui va s'élever. Moi, je dis que c'est faux. C'est faux. Kundalini ne se lève pas en 5 jours. Il y a des gens qui élèvent Kundalini après 2 incarnations. Moi, c'est à ma deuxième, à ma troisième incarnation que j'ai eu le processus d'éveil de Kundalini. Et quand je parle de la troisième incarnation, ça veut dire que j'étais déjà mort plusieurs fois. La deuxième, première fois, Kundalini commença et j'étais mort encore vers les années 1800 et quelques. Et encore, je reviens vers les années 1963, 62, 63. Et en 1974, je refais ma naissance mystique et je découvre le processus de Kundalini, toujours là. Voyez-vous? Mais il y a certains qui, au bout de 10 ans, 15 ans, Kundalini s'éveille. Voyez-vous? Kundalini ne s'éveille pas n'importe comment. Donc ça, c'est un exemple typique même du Zen. Voyez-vous? Mais il y a des mecs qui viennent ici, des gourous qui viennent tromper mes frères américains, que non, tu payes 5 000 $, Kundalini va se réveiller. Je dis, c'est faux. Ils m'en veulent, bien sûr. Ça ne vous regarde pas. Ça, c'est entre moi, les Américains, ici. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup d'amis américains qui m'encouragent, me disent, mais non. Pardon, ouvre ton ashram, là, nous, on va venir te suivre. Et je vous ai dit, sur cela, j'ai 3 disciples américains. Des blancs, tous des blancs. Ils sont déjà branchés. Donc, je ne m'attaque pas seulement aux chrétiens, s'il vous plaît. Alors, il y a d'autres questions, là, avant qu'on se quitte. Ciao. Maintenant, là, comme je n'avais pas le Bible, que c'est dur. Que faire, maître? Nous avons beaucoup de versions dans ce monde. Pourriez-vous nous recommander la bonne version de la Bible? Oh, d'accord. Pourquoi vous allez vous embrouiller dans les versions de la Bible? Cherchez la Bible originale. La Bible originale existe. Google. Vous, si vous êtes actuellement aux États-Unis, please, Google. Je vais vous faire la démonstration en live. Il y a des versions originales. Bon, peut-être parce que vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes en Afrique, c'est un peu compliqué. Les tatouages, je répète, il y a certains tatouages qui font partie des rites traditionnels. Lesquels tatouages qui ont une relation avec notre totem. Ça, c'est différent. Il y a certains rites qui vous obligent. Je connais certains rites, par exemple, dans les zones des Papouasies françaises, là, et dans les zones même de certains pays de l'Inde. On vous exige d'avoir, comment on appelle ça? On vous demandera de faire, comment on appelle ça? On vous demandera de faire certains tatouages sur votre corps et lesquels tatouages représentent vos divinités, représentent votre thème et tout ça. OK? Et même là, moi je dirais qu'il faut d'abord le consentement des ancêtres. Il faut d'abord consulter les ancêtres. Est-ce qu'ils sont consentants que vous mettez leur totem sur votre corps? Alors que nous avons des reliques qui sont là. Les combats mystiques ne sont pas seulement réservés aux initiés. Je vois une question en ce sens-là. Non. N'importe qui peut vous combattre, vous faire du mal. C'est pour cela qu'on vous demande d'avoir les yeux ouverts. Il faut vous initier. Donc, voilà. Je crois avoir répondu à vos questions. Et puis, voilà. Je disais qu'à propos des versions bibliques, je vais donc vous répondre à votre question. Je vais essayer de poser la question à notre ami là. Hey Google, tell me what's the best biblical version I can use on a daily basis. These came back from a search. Google a beaucoup de choses. What's the best biblical or Bible version I can read? Voilà. Voilà, ils m'ont donné une version. Life Recovery Bible, the King James Version Bible, Well, chez vous, au niveau de l'Afrique, la version que je vous recommande, c'est la version du français courant. Je vous recommande la version du français courant, ça c'est la moindre. Et ensuite, il y a une autre Bible, la Bible de Jérusalem. Il y a une version qu'on appelle la Bible de Jérusalem. Je vous prie de la voir. Elle n'est peut-être pas très pure, mais si vous lisez, si vous savez lire hébreu ou le grec, vous devez commander la Bible araméenne. Elle a été traduite par les gens qui habitent la zone de la Turquie. Parce qu'il y a la secte ancienne qui parle toujours la langue de Jésus. Ils sont là-bas dans la zone de la Turquie et en Syrie. Donc, il existe cette version-là. Ça, c'est la meilleure version biblique. Laquelle version est utilisée par les églises orthodoxes? Voilà. Voilà la dernière réponse qui doit être la bonne. Abonnez-vous ou bien fréquentez l'église orthodoxe traditionnelle. Je ne sais pas, ça n'existe peut-être pas en Afrique, mais on les trouve beaucoup plus en Éthiopie. Souvenez-vous que ça, c'est l'église laissée par Salomon et ses enfants qu'il avait laissés en Éthiopie. C'est la seule vraie église qui, d'ailleurs, est détentrice de beaucoup de connaissances. C'est la seule vraie église qui connaît faire le véritable signe de la croix, comme à l'origine, pas comme l'église catholique dit là. Et c'est cette église-là qui fait et à la fois les enseignements ésotériques et les enseignements exo et ésotériques. Donc les enseignements à la fois révélés et les enseignements mystiques. Cette église s'appelle l'église orthodoxe traditionnelle ancienne. On retrouve ça en Russie. Voilà pourquoi les Russes, ils s'en foutent de vos histoires chrétiennes. On retrouve ça, disais-je, l'origine normalement c'est l'Éthiopie. C'était là-bas où est implantée et c'est dans cette zone-là où est cachée l'arche de l'alliance que Moïse avait laissée et qu'il transportait à gauche à droite, qui était transférée au temple de Jérusalem. Et à l'an 69, lorsque le général Tito arriva pour pouvoir détruire, eh bien, il y a eu les esprits qui étaient avisés, parce que celui que vous appelez Jésus dans la version chrétienne dira aux gens que Jérusalem, Jérusalem, faites très attention, parce que la chose immonde viendra. Mais quand cette chose du monde va venir, montez sur vos toits, allez-y vous cacher, parce qu'il reviendra une deuxième fois, et c'est là où Jérusalem sera détruite. Et c'est ce qui s'est passé. En 63, il y a eu un convoi qui était arrivé, et finalement, les gens, ceux qui ont prêté attention ont fui, ils ont quitté la zone, et en 69, le général Titus était arrivé, et il détruit tout le temple de Jérusalem. Et nous savons qu'il y a eu des petites réfections, mais malheureusement, à partir du 7e siècle, avec l'invasion de l'islam, ils détruirent donc tout le temple qui était mis en place, et ils ont réussi à mettre la mosquée, pensant que le fameux l'arche de l'Alliance était cachée là-dedans, alors que c'était déjà parti depuis. Bien. Les initiations au Gabon, je vous ai seulement dit, je ne peux pas vous dire la meilleure ou quoi. Je vous dis, initiez-vous dans votre tradition gabonaise. Moi, je suis gallois. Je pourrais commencer par le Kouï. Je suis Guéchir, du côté Guéchira. Je peux m'initier dans le Mouiri. Donc, adaptez-vous. Si vous êtes Fang, rentrez dans le Bouti Fang. Et ou bien, rentrez dans le Mélang. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les Djembe alors que vous n'êtes pas de la tribu de machin. Voilà. Si vous êtes Vungu, mais initiez-vous dans le Bouti Akoua, donc le Bouti des Pygmées. Parce que les Vungu, ils sont plus adaptés à cela. Ils vivent beaucoup plus en contact avec les Pygmées. C'est comme ça. Donc, je ne peux pas vous dire quelle est la meilleure initiation. Toute initiation traditionnelle au Gabon, elle est utile et nécessaire pour votre réveil de la conscience. Elle est utile. Mais ça, j'appelle ça, ce sont des initiations fortes. C'est différent des initiations douces que moi je donne. Les initiations douces, pour ceux qui sont tout nouveaux, c'est un mélange des 19 différentes initiations que j'ai eues à gauche et à droite, okay? Au pays d'Abalan, que ce soit au Maroc, pardon, au Ghana, au Brésil, à Macumba, chez nos amis... comment dire, brésiliens, mexicains, et les népaliens, les magies cérémoniales de l'Inde, le yoga, pranayama yoga, raja yoga. J'ai fait toute une compilation et je suis venu avec des assises sélectionnées, plus souples et moins compliquées pour vous faciliter la vie, pour vous permettre de ramper vite, de faire vite les choses, comme pas faire vite que vous aurez maintenant les millions, non. Je vais dire pour vous faciliter le travail, parce que si vous suivez le processus que moi j'ai suivi, vous risquez de rester là pour toute une éternité. Donc, c'est ce que moi j'appelle les initiations douces. Et ce sont des techniques qui vont être révélées au cours des séminaires. Je vous dirai, faites ceci, faites cela, ainsi de suite. Vous pouvez le faire. Il n'y aura pas de risque. Il n'y aura pas un esprit qui viendra vous gifler. Vous aurez seulement des effets secondaires, parfois, ou des voix qui vont souffler, parfois, bon, un esprit qui vous aime, qui va vous toucher, puis bon, il faut garder le calme. Je vous préviendrai, je vous ai donné des avertissements. Maintenant, l'initiation forte. Le Bouiti fait partie de ce qu'on appelle les initiations fortes. Pourquoi initiation forte? Parce que c'est des initiations qui vont brutalement éveiller votre conscience. C'est tout. Parce que tout de suite, là, on vous donne le bois sacré, on vous prépare, vous mangez, et ça va vous faire une sortie brutale. Alors, ça entraîne parfois la mort si le type ne maîtrise pas bien, et surtout si vous, vous n'êtes pas honnête, si vous ne faites pas votre confession honnêtement, il vous arrive vraiment. Après, on dira que c'est le bouddhiste qui vous a tué. Ce n'est pas le bouddhiste. C'est moi parce que vous n'êtes pas préparé. Voilà comment je dis les gens, quand vous voulez vous initier au bouddhi ou quoi que ce soit, préparez-vous d'abord. La préparation veut dire, vous prendrez des connaissances de base. Et ensuite, vous devez faire la confession. Vous devez faire la confession. Si vous avez l'habitude de manger les fesses des gens, ou je ne sais pas trop, pardonnez-moi, je ne suis pas pornographique, mais il y a certaines choses que vous devez dire qui peuvent vous bloquer au cours de votre voyage mystique, initiatique. Hein? Si vous étiez macro, vous avez détourné au gouvernement des milliards, vous avez fait ceci, cela, ou bien sous tel président, sous le vieux Omar, vous avez volé un milliard. Il faut le dire. Sinon, à la fin, vous direz, oh, mais moi, je suis allé, rien n'a marché. Non, c'est comme ça. Les gardiens du seuil des arcanes secrètes, là, on ne les trompe pas, s'il vous plaît. Ils vous voient clair. Avant même que vous preniez, là, vous venez, vous êtes qui? Oh, je suis Moussoudi Nyanga. Bon, toi, tu es Moussoudi Nyanga, oui, oui. Okay. Mais ils savent qui est Moussoudi Nyanga, avant que vous ne puissiez ouvrir votre bouche. Hein? Parce que Moussoudi Nyanga, toi, quand tu as mangé ton bois sacré, ce ne sont pas les esprits de Onubie qui viendront se révéler à vous. C'est faux. Ce ne sont pas les esprits de Nyangi Moussabou. Non. Ce ne sont pas les esprits de M. Domba. Non. C'est seulement votre famille à vous. C'est ça, ces esprits-là. Des Misaki qui vont se présenter à vous. C'est à votre propre famille d'abord. Et même quand vous allez prendre votre Bouiti, quand vous allez faire votre voyage, à votre tour, vous venez avec votre combo et tous les pouvoirs qu'on vous donnera, c'est au sein de votre propre famille d'abord. Donc vous comprenez? C'est pour cela qu'il faut être honnête avec eux. Qui c'est si parmi ces gens-là qui vont vous donner le pouvoir, c'était votre grand-père que vous aviez l'habitude de gifler? Toi, tu étais étudiant en France, tu négligeais ton grand-père. Et quand tu as dit, oh, toi, tu m'emmerdes, tu le gifles n'importe comment. Imaginez-vous que c'est lui. On fait comment? Donc, il faut confesser. Oui, je viens prendre le bois sacré. Mais l'onima va vous dire, confession, c'est obligatoire. C'est pas que l'onima a besoin de savoir qui vous êtes. Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui abusent aussi, qui profitent, parce que la pauvre femme, parce qu'elle est trop belle, là, les totos, tout le beau machin, il est commencé à être attiré. Bon, toi, ton mari, c'est qui ça? Oh, je ne suis pas marié. J'étais marié à M. Abaga. M. Abaga, il a détourné 3 millions, mais après, on l'a enlevé, ceci, cela. Donc, je suis célibataire, je suis mère, machin. Vous faites toute la confession. Bon, et il y a certains, après ça, ils profitent, ils disent, bon, maman, moi, je veux de toi. Non, on n'a pas dit ça. C'est là où la chose se gaspille. Hier, je vous ai dit que le sexe détruit tout. Le sexe bloque même vous qui êtes prétendu maître là. Donc, il faut éviter ça. La confession ici vous permet, vous, le Nima ou le Nganga, de pouvoir vous câbler avec les génies pour que les génies écoutent. Parce que vous avez dit oui. Vous avez entendu. Monsieur Moussoudi a parlé. Oh, il faut lui ouvrir la route maintenant. Ouvrez la route. Hein? Après, on vous donne le machin, tout ce qu'on vous donne. Moi, je ne vais pas entrer dans le détail. Ici, on ne déballe pas ça. Initiez-vous. Mais je vous donne les préliminaires. Avant de vous initier, il faut confesser. Parce que quelqu'un m'a posé la question, mais quelle est la meilleure initiation? Mais tout est meilleur. Mais tout dépend. C'est comme dans le monde des arts martiaux, il y a certaines personnes, oh non, tel karaté là, moi, celui-ci est plus fort. Non, ce n'est pas le karaté qui fait de vous l'homme fort. C'est vous-même. Vous pouvez être un judoka, mais être plus fort qu'un boxeur. Donc, tout dépend de vous. Vous comprenez? Rien n'est meilleur si ce n'est que vous qui êtes le meilleur. Voilà ce que je peux dire. Bien, je crois qu'on va se quitter. Donc, j'ai répondu à cette question. Consciemment, comment quitter la pièce? Là, moi, je ne sais pas. Vous posez les questions vous-même là-bas ou bien vous me posez la question à moi, je ne sais pas. Vous parlez de la bilocation ou bien le dédoublement. Comment quitter consciemment la pièce? Il faut vous initier dans le rite. Il faut rentrer dans le rite de machin. On appelle ça comment? Le rite de la sortie astrale. Il faut que quelqu'un vous initie. Alors qu'il y a des livres qui sont disponibles, malheureusement, mais beaucoup ne prennent pas avantage, ne comprennent pas sans le livre. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui peut vous guider. Ce n'est pas compliqué. Mais je répète encore que la sortie astrale fait partie du troisième degré des initiations que moi j'ai reçues. Mais si vous voulez maintenant brûler pour commencer tout de suite par sortir un vampire, vous allez vous casser la figure. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'abord fait la préparation, la purification. Donc, il faut respecter ces règles-là. OK? Quand la pièce est tranquille, moi j'ai vu l'expression la pièce est tranquille. Est-ce que vous parlez de la sortie d'un vampire? Oui, c'est possible quand la pièce est tranquille, vous pouvez sortir un vampire. Mais est-ce que vous êtes déjà prêt à sortir un vampire? Parce que ça, pour devenir un véritable maître, comme je l'ai toujours dit, un véritable maître doit tout sortir un vampire. Il doit être à mesure de se battre dans tous les plans. Ce n'est pas moi qui le vante, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas être maître et puis vous ne savez pas sortir un vampire, c'est impossible. Aucun maître sur cette planète Terre va dire qu'il est maître mystique et il ne connaît pas sortir un vampire ou bien il ne sort pas un vampire. Non, non, non, non, non. Parce que la sortie astrale, puisque vous utilisez le mot sortir un vampire, je n'aime pas trop ça. Parce qu'au Gabon, quand on dit que quelqu'un sort un vampire, ça veut dire oh, yo, il va faire du mal, il va tuer quelqu'un. Non, non, non, non. La sortie astrale ou bien la bilocation, c'est comme ça qu'on appelle ça. Bon, le fait de sortir constamment en bilocation, ça renforce votre âme. Et ça prouve que vous avez maîtrisé la matière. Et dès lors que vous avez maîtrisé la matière, maintenant, vous pouvez sortir de temps en temps. Et vous partez, vous venez, vous partez, vous venez. Donc, vous êtes un maître. Parce que certains enseignements, moi, là où je parle, je ne me suis pas préparé. Hein. J'étais seulement en train de conduire toute la journée, j'étais embrouillé dans mes histoires à gauche, à droite. Et puis, les esprits insistent. Non, non, non, on va parler de ça. Je ne me prépare pas. Vous constaterez cela dans tous mes enseignements, je vous le répète. Vous pouvez vérifier. Sauf certains, peut-être, là, on m'a exigé de prendre un peu de notes. Mais sinon, non, je ne me prépare pas. Pourquoi? Mais parce que je suis en diapason avec les esprits. Bien, on a abusé du temps. Je vais vous quitter. J'ai l'horreur de faire de longues vidéos qui dépassent 1h30. Là. Maintenant, là, les gens en Afrique, ils ne vont plus suivre. Bien, voilà la conclusion que je veux tirer. Comment les publicités de Jésus vont attirer les démons? Les publicités de Jésus attirent les démons de la manière suivante. Parce que vous êtes des coquilles vides. Mes frères chrétiens, vous qui êtes des coquilles vides, vous n'appliquez pas la parole de Dieu. Vous exploitez le nom de Jésus pour vous enrichir. Vous exploitez le nom de Dieu, c'est pour pouvoir l'exploiter à vos fins utiles. Et les démons vous aiment ça. Les démons vont profiter pour dire, voilà un homme, il n'est pas spirituel. Et ils vont vous emmener en enfer. Comment ils vous emmènent en enfer? Ils vont faire tout pour que vous prospériez. Et vous allez même oublier les principes initiatiques originels de la Bible qui demandent bien, qui disent bien qu'un homme de Dieu n'a pas le droit de faire la politique. Vous allez commencer à créer des débats. Oh non, les hommes de Dieu, ils intervenaient. À l'époque du roi, ils avaient des machins, des conseillers. Mais vous savez bien, le mot c'est conseiller. On n'a pas dit qu'ils avaient des ministres. Vous n'êtes pas, en tant qu'homme de Dieu, à être ministre aux côtés d'un gouvernement. Quel que soit ce gouvernement. Quel que soit, quel soit-il, que ce soit de la gauche, de la droite ou des démocrates, je ne sais pas quel parti, c'est comme ça. Même ici aux États-Unis, c'est le débat que j'ai avec mes frères démocrates. Et ils savent que c'est ça la vérité. Ils font taire les versets de la Bible, alors que la Bible, c'est le livre qui devait conduire tout chrétien. Maintenant, conformément à la lumière de la Bible, faire des publicités de Jésus, ce n'est pas conforme à la Bible. Ça va attirer. Voilà pourquoi les démons sont attirés. Les démons sont attirés par vos publicités parce qu'ils savent quelles sont vos intentions et ils savent que vous êtes des coquilles vides. Comment est-on coquille vide? C'est lorsqu'on n'applique pas l'alchimie spirituelle que l'apôtre Paul décrit dans le livre de Galates, chapitre 5, et dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, et dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, et dans le livre de Romains, le chapitre 4. Et la liste serait longue. Et dans Matthieu, chapitre 6, et dans Matthieu, chapitre 1. Et dans Apocalypse ou Jean, Révélation, chapitre 4. Ou encore 1 Jean, chapitre 4, verset 4, verset 5. Tous ceux qui sont amis du monde, y compris le système politique, sont ennemis de Dieu. Vous ne pouvez pas être amis de Dieu quand vous êtes amis du monde. Et Jean, chapitre 17. Père, je prie pour tous ceux qui sont... Je ne prie pas pour ceux qui sont avec moi ici. Mais je prie pour tous ceux qui croiront à mon enseignement. Ceux-là qui croiront à mon enseignement, je prie pour eux pour qu'eux soient un avec toi. Et pour qu'eux soient un avec toi, tout comme moi je suis un avec toi. Veille sur eux parce qu'ils sont dans le monde. Aide-les à pouvoir vivre dans ce monde comme ne faisant pas partie de ce monde. Parce que quiconque fait partie de ce monde, le monde de la politique et de la corruption, n'est pas de mon royaume. Or, le véritable royaume de Dieu, c'est quoi? Ce sont les grandes vertus immuables, des vertus qui tournent autour des quatre grands degrés de Dieu. L'amour, la paix, la puissance et la justice. Comment pouvez-vous être ami du monde là où il y a la justice qui n'est pas, la justice n'est point pratiquée? Comment pouvez-vous être ami du monde là où l'amour véritable n'y est pas? Alors que là-bas, le pouvoir, la puissance sont liés beaucoup plus aux faits matériels et non mystiques et spirituels. Donc, vous comprenez pourquoi? Quand je dis arrêter les publicités sur ce type-là, vous attirez les démons. Et aujourd'hui, vous avez appris, ce n'est pas la première fois pour certains, que le Jésus même qu'on montre, ce n'est même pas le Jésus original selon la Bible, parce qu'il était noir. Et celui qu'on vous montre, il est blanc. À vous de réfléchir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les écrits. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Et bonne soirée. Ceux qui n'étaient pas là pour suivre la vidéo demain, pardonnez-moi d'avoir été un peu trop long. Et Teta Mwanga, l'être suprême, le Dieu des connaissances, du savoir et de la puissance, de la justice, de l'amour, puisse vous bénir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup.